peut pas démarrer tout de suite. Radio Libertaire 89,4 MHz. Dans un instant, normalement, bulle de rêve. Mais où est donc passé? Non. Non, ça marche pas. Ça marche, voilà, vas-y. On ouvre en direct. Alexis. Il marche pas le petit. La petite clé USB ne fonctionne pas. Voilà, on vous fait ça en direct. On donne l'impression de revenir à l'époque de Radio Libertaire quand on était sur la butte Montmartre et que le studio était contigu avec la régie et qu'on lançait des disques qui faisaient miaou parce que c'était des 33 tours, 30 cm et qu'on les calait mal. Donc là, une clé USB, des fois, c'est aussi surprenant. Et donc, dans un instant, marche, mais... voilà, là j'ai une clé. Voilà, Alexis, on va tout faire en direct sur donc, la clé bulle de rêve de Mars. Et c'est le générique. Il y a un truc qui s'appelle générique. Et donc, je le mets en route et normalement, et très fort. Il démarre sur l'antenne de Radio Libertaire. Elle joue pour toi, il est terrible cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cet air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Bonjour à tout le monde. Comme on continue à entrer, je vais demander à Nicolas de bien vouloir fermer la porte. Non, le Nicolas, dans le studio, merci beaucoup. On est plein dans le studio, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Je voulais commencer déjà par redire, donc on a entendu KRS-One, The Sound of the Police, et Requiem pour un con. Pardon, les enfants. Il y a des enfants dans le studio, donc j'ai failli pas le mettre. Voilà, de Serge Gainsbourg notamment. C'était pour dire, en fait, je voulais dire à Elisabeth Borne qu'elle peut faire mieux et que je voulais l'encourager, en fait, ici, au micro. Elle en est à 11 fois. 11 fois, elle a utilisé 49.3. Elle a battu, je trouve ça bien, Raymond Barre et Jacques Chirac. Il avait utilisé 8 fois. Donc déjà, c'est bien, mais il faut qu'elle fasse un effort parce que Michel Rocard l'a utilisé 28 fois. Donc, elle va devoir faire un effort. Donc, moi, je voulais lui proposer peut-être qu'on peut faire des trucs du style supprimer l'école publique. Enfin, moi, j'ai plein d'idées. Supprimer les profs, supprimer l'hôpital public. Donc, elle peut me joindre. Je suis joignable ici, au studio, à travers Radio Libertaire. Enfin, voilà, parce que je pense qu'elle pourrait faire un effort par rapport à ça. Et je pense qu'elle peut battre. Enfin, si elle tient, évidemment, si elle a encore là lundi. Mais si, voilà, elle pourrait battre. Blague mise à part, je me disais que c'était peut-être le moment de faire la révolution, non ? Tous les gens qui nous entendent, puisqu'on est sur Radio Libertaire, ça y est, j'ai vu plein de A dans la rue maintenant, j'ai l'impression que les gens commencent à s'y faire. Donc c'est peut-être le moment d'arrêter d'écouter les syndicats qui servent à rien, comme on le sait, qui sont là pour leur truc, et d'un seul coup de commencer quelque chose. Enfin, moi je suis prêt, on avait dit, s'il y a une envie, je pense que c'est le bon moment. Et donc je pense que, voilà, c'est parti. Alors on va revenir sur Bulle de Rêve, notre émission, mais bon, l'animation et le cinéma, c'est aussi politique, sinon on serait pas là. Donc voilà, j'avais fait tout un jeu, je voulais faire un gag sur le 49-3, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment pas si bon que ça en maths, je croyais, donc tout mon truc tombe à plat. Merci mes petits. Juste voulais dire que les trois qui sont vraiment derniers de la classe, c'est Balladur, De Villepin et Édouard Philippe, qui étaient une fois le 49-3. Je trouve ça un peu pitoyable de leur part, une seule fois, voilà. Et juste, pardon, et je finirai avec ça, mais juste les gens qui nous disent que c'est un déni de la démocratie, il faut savoir que le déni de la démocratie, ça fait quand même 100 fois en 50 ans qu'il a eu lieu, donc je trouve ça un peu bizarre de se rendre compte juste maintenant, alors qu'en fait, ça fait 99 fois avant qu'il y a eu ce déni de démocratie du 49-3. On va s'arrêter là, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un bon débat qu'on peut commencer, et on va faire quelque chose de complètement différent, on va vous amener dans un autre univers. Enfin, il y aura un univers de l'argent à la fin, avec Marie-Pauline et Nicolas, qui vont nous parler un peu d'argent avec le Cartoon Movie. Ils aiment bien ça. Et mais pour l'instant, on va parler d'autre chose. Et je vais déjà remercier Pascal Leduf. Bonjour. Bravo. Nicolas Tisse. Bonjour. Et Marie-Pauline Melaret. Bonjour. Et je vais dire à Marie-Pauline, est-ce que tu peux... Il y a plein de petites têtes. Est-ce que tu peux nous présenter... Présenter nos les trois invités spéciaux qu'on a aujourd'hui. Ben oui. Alors nous avons aujourd'hui avec nous Rosalie qui est là. Bonjour Rosalie. Bonjour. Nous avons Adèle qui est cachée là-bas, qui peut-être venir dire bonjour quand même au micro. Bonjour. Et enfin nous avons Raphaël. Bonjour. La tornade Raphaël. Et avec nos trois invités, on va parler de quoi ? Et Pauline, je te laisse et puis après on va... Oui, et ben nous allons parler d'un super programme d'animation pour enfants qui est destiné aux enfants à partir de 3 ans mais qui marche pour absolument tout le monde en fait, même votre arrière-grand-mère, vous pouvez l'emmener, vous allez voir, ça va lui plaire. Le programme s'appelle Le Petit Hérisson dans la Brume. J'ai une petite hésitation parce que c'est le film qui donne son nom au programme, on avait l'habitude de l'appeler Le Hérisson dans le Brouillard. Et là, nos amis de chez Malavida qui ressortent ce superbe programme sont allés apparemment vers une traduction qui était plus proche de l'original. D'accord. C'est ce qui est expliqué en tout cas dans le dossier de presse. Et qui était Le Petit Hérisson. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Norstein aurait dit un truc du genre, en fait, c'est que les fonctionnaires qui disent le hérisson, les gens sensibles, ils disent le petit hérisson. Et voilà, et le mot brume serait plus proche de ce que était la traduction, enfin le mot original en russe. Voilà. Après, moi, je ne parle pas russe, donc je ne peux que répéter ce qui est dit dans le dossier de presse. Mais en tout cas, ce superbe programme sort le 5 avril. C'est un programme de 4 courts-métrages. Voilà, c'est assez chouette. On en parlera après. On va d'abord laisser les jeunes critiques en herbe en parler, puis nous, on vous dira peut-être un petit peu ce qu'on en pense. On a un cinquième invité, on peut peut-être. Il n'est pas normalement prévu, il est grand, mais peut-être qu'il pourra dire quelque chose. On peut le. Nous avons avec nous également Stéphane Dreyfus, que vous connaissez puisqu'il vient régulièrement dans l'émission. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et vous aurez hors micro, on est désolé, il n'a pas pu venir, Basile, puisque en effet, on a repris notre jury du PIAF, on est comme ça nous, pour nous parler de ça. Et Basile, malheureusement, on ne pouvait pas venir, mais on a fait un petit enregistrement qu'on entendra, où il nous dira lui aussi ce qu'il pense de ce programme. Mais bien sûr, vous le savez, on commence toujours l'émission de la même manière, avec l'album du mois de Marie-Pauline, parce qu'on essaye à chaque fois de... Mais c'est la première à dégainer, donc c'est elle qui... Va voir, ça va être difficile là. Tu vas devoir t'occuper à la fois. Raphaël, faut vraiment pas toucher les micros. Alors, Raphaël, je sais que c'est super rigolo, mais les micros, il faut les laisser parce qu'après Nicolas qui est derrière, là, il va plus pouvoir parce que derrière il joue avec des trucs pour savoir quel est ce dont on a mis en temps. Donc si tu bouges tout le temps, il va devenir fou. Et il est prof, il sait s'occuper des enfants, donc fais attention. Super, merci. Et donc, alors, c'est l'album du mois, c'est Marie-Pauline. Formidable, merci encore de m'avoir laissé la case de l'album du mois. Vous savez, hein, j'aime bien partager mes découvertes. Donc je voulais vous parler ce mois-ci du troisième album solo de l'artiste Karine Dreyer, qui se produit sous le nom de Fever Ray. Alors Karine Dreyer, peut-être que vous la connaissiez, puisque c'était l'autre moitié du groupe The Knife, groupe électro qu'elle avait formé avec son frère Olaf entre 1999 et 2014. Depuis 2009, en parallèle, l'artiste a lancé le projet Fever Ray, toujours dans une veine électropop. Et le troisième album, donc, qui s'appelle Radical Romantics et qui est sorti la semaine dernière, explore l'amour sous toutes ses formes, romantiques comme familiales. Alors c'est un album contemplatif, introspectif, mais aussi sensuel, étrange évidemment et parfois ironique. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les titres un peu marquants, comme ça, après l'album est chouette, hein, du début à la fin, mais j'avais envie de vous parler du titre qui ouvre, qui s'appelle What They Call Us. C'est un cri déchirant dont le refrain interroge. Tu as entendu comme ils nous appellent, tu as entendu ce qu'ils disent. Les insultes resteront hors champ, et on comprend au fil de la chanson que tout ce qui compte, finalement, c'est de ne pas être seul face à ces insultes. Dans Looking for a Ghost, Karine Dreyer dresse le portrait de la personne idéale. Alors elle fait comme une petite annonce pour trouver l'amour, avec un sourire spécial, des dents comme des rasoirs, des doigts comme des piments. Mais aussi, à un autre moment de la chanson, quelqu'un d'un peu timide. Ensuite, il y a la chanson Even It Out, qui s'adresse à Zacharias, qui, je cite, a harcelé mon fils au lycée. Il n'y a pas de place pour toi, et on sait où tu habites. Un jour, on pourrait bien venir pour toi. Reprendre ce qui est à nous. Alors moi j'ai envie de dire à Karine Dreyer ben, bravo et bien joué, merci, parce qu'en tant que parent on n'a pas tous la possibilité d'envoyer ce genre de message de manière aussi efficace. Voilà, donc Zacharias, fais gaffe à toi. Enfin, j'en arrive au titre que l'on va écouter aujourd'hui et qui est sans doute le plus sexy de l'album. Il est question des frissons que l'on a envie de ressentir ou de faire ressentir. Ça s'appelle Shiver. I just wanna shiver, y répète Karine Dreyer. Et nous aussi bien sûr. Just a little touch. Just a little touch. Just a little touch. You blush, some girls will make you shiver. Bulle de rêve, bienvenue toujours, enfin, ou en tout cas, on continue, Bulle de rêve, pardon. Évidemment, l'émission 100% animation de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Je ne l'ai plus dit depuis longtemps, mais la seule radio, on peut avoir deux heures sur le cinéma d'animation. J'avais dit un jour que j'arrêtais de le dire, le jour où une autre radio le fera, mais bon, je pense qu'on peut toujours attendre pendant un bout de temps. Je vous ai oublié de vous dire, donc en effet, Nicolas et Marie-Pauline, nous parlons du Cartoon Movie, qui est cet endroit où on voit les premiers débuts de longs métrages qui vont être faits. Donc, nous parlerons des projets qu'ils ont bien aimés. Je vous ferai un petit truc sur le FICAM, Festival de Omeknes au Maroc. Je vous raconterai un petit peu. Et il y aura quelques news. Moi, j'ai quelques news. Je ne sais pas si mes deux camarades ont des news, mais voilà. Alors, le petit hérisson dans le brouillet, le petit hérisson dans la brume, je vais y arriver, 30 ans. Qui veut commencer? Est-ce que vous avez déjà, moi je voulais savoir, ma première question c'est, est-ce que vous avez le programme? On ne va pas parler des films, est-ce que vous trouvez que le programme, c'est un joli programme, il se tient bien, les films se tiennent bien? Ben oui. Allez, Raphaël, oui, pourquoi? Oui, c'est pas suffisant. Ah bon? Ah bah. Vas-y. Moi j'ai trouvé que c'était bien, il y a quelques films qui m'ont moins plu que d'autres. Et ça suivait assez bien parce que Ouais, tu trouves qu'il y a pas un... Non mais tu trouves qu'il y a pas un film où tu t'es dit bon, oh là ça correspond pas ou quoi? Les films fonctionnent bien, les quatre, comme c'est un programme de quatre courts-métrages, toi t'as trouvé que les quatre passaient bien? Ouais, ça... Oui, il y en a un qui m'a pas trop plu, mais sinon les trois autres étaient vraiment bien, voilà. On va revenir sur ceux que vous avez aimés et ceux que vous avez moins aimés. T'as autre chose à dire que oui ou... moi j'ai trouvé donc que le programme était bien. Donc moi aussi, il y en a un que j'ai moins aimé que les autres. Ou que j'ai pas aimé, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez vu un fil directeur un peu entre les films? Est-ce que ça vous a semblé logique de les avoir mis ensemble ou est-ce que ça vous a semblé fait un peu au hasard? Oui. Vas-y, bah, explique. Parce que tous les films parlaient un peu de l'amitié. Comme l'amitié entre la petite fille et la moufle, enfin le chien plutôt, pardon. l'amitié entre le chien et le loup dans le deuxième. Hein. Bref. De l'amitié dans les quatre films, quoi. Ok. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, il y avait quatre films dans le programme. Moi, c'est un peu la même chose que Raphaël, et je voulais rajouter aussi, je sais, c'est totalement différent. Mais il y a... dans chaque film, il y a des animaux. À chaque fois. Et dans tous les films, il y a au moins un chien. Waouh. Bravo. J'avais pas remarqué. Tu veux dire un petit mot? Toujours pas? Tu le dis, hein? Tu t'hésites pas? Tu sais, simple, regarde le micro, il est là. On prend celui de Pascal et tu bouges. Raphaël, un petit mot sur le programme? D'accord. Alors, si tu veux, hein? Dans au moins chaque film, il y avait un chien, elle a dit. Oui. Mais dans les deux derniers, j'ai pas remarqué de chien, moi. Tu as pas bien regardé. Ah oui? Vas-y. Dans le tout dernier, vers la fin, il y a un chien. L'avant-dernier, c'était... L'avant-dernier, c'est celui avec... La tortue et le lionceau. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai que dans celui-là, j'ai pas vu de chien. Je me rappelle plus, la tortue et le lionceau. Je me souviens plus. Ouais. Mais à part dans les trois autres, il y a des chiens. Et tu peux nous rappeler par rapport à Raphaël qui a oublié, dans le dernier... Le chien, il arrive à quel moment? Vers la fin, quand il voit tous les animaux qui lui font peur et tout, un peu avant qu'il tombe dans la mare, je crois. Et puis il lui ramène le pot de confiture. C'est le chien qui lui ramène à un moment donné le pot de confiture. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est le chien. Est-ce que, rappelez-nous vos âges. Moi, j'ai 10 ans et demi et quelques mois en plus. Moi, j'ai 11 ans. Est-ce que le programme, c'est pour 3 ans, comme le disait Marie-Pauline et plus? Est-ce que vous avez considéré que pour votre âge, tous les cours marchaient bien ou non? Vous avez trouvé qu'il y en avait peut-être qui étaient pour les plus petits et que vous, vous avez moins aimé à cause de ça? Bon, moi, je trouvais que c'était un peu pour tous les âges, un peu. Ouais. Moi, je sais pas, je sais pas trop parce que je sais pas si je me souviens plus si j'aurais compris ou pas en étant plus petit. Je sais pas, mais je pense qu'on peut le voir plus jeune. En tout cas, à 6 ans, c'est déjà disponible. Après, je sais pas trop. Et après, on va juste vous à votre âge. Est-ce qu'il y a un des cours où vous êtes peut-être dit, oh ben, je suis un peu trop grande, trop grande ou trop grand pour ça ou pas? Non. Vous avez, non. Il y en a un où il y avait des moments où j'ai trouvé que ça faisait un peu petit, mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Dites, moi, je me suis dit, en fait, non, je pense pas que ça soit pour ceux qui savent pas lire, parce qu'il y a des sous-titres, des moments. Alors, il y a deux versions. Pour la première fois, le Petit dans le brouillard, en effet, on peut le dire, il y a donc un grand acteur qui s'appelle Philippe Cobert. Voilà. Alors, moi pendant 30 ans j'ai dit le même titre, donc Ravel, je vais prendre du temps avant de pouvoir dire le bon titre. Toi tu viens de le connaître, tu vas découvrir ce film avec le bon titre. Laisse-moi un peu, tu vois, je vais y arriver. À la fin de l'émission, dans 2 heures, je dirai, et n'oubliez pas d'aller voir Le Petit Hérisson dans la Brume et Autre Merveille, parce que le programme s'appelle Et Autre Merveille par rapport à ça. Donc, tenue. C'est parfait. Il sera là dans 2 heures, donc ça sera bien. On pourra faire ça. Notre troisième invitée peut parler quand elle veut, hein, toujours. Elle est timide. Sincèrement, regarde, on est tous ensemble, c'est plutôt tranquille et tout, voilà. Mais bon, Marie-Pauline, tu voulais poser une question? Je voulais juste relancer sur l'idée, effectivement, du fait qu'il y avait une version française et une version originale. J'imagine que dans les cinémas vont être distribués les deux à des heures peut-être différentes de la journée. Ouais. Mais en tout cas, oui, pour que ce soit accessible aux plus jeunes, il y a cette version française qui est plutôt pas mal, effectivement. Moi, j'ai trouvé assez joli. Tu disais, c'est Philippe Cobert qui fait la voix dans Le Petit Hérisson. Et ça passe vraiment bien. Je ne sais pas dans quelle langue, Rosalie, toi, tu l'as regardé? Tu l'as regardé en français? Oui, nous, on l'a regardé en français, oui, c'est ça. Et je pense que c'est surtout pour le film de... ça y est, de Nazarov. À chaque fois, je me pense, c'est une fois un chien qui parle quand même beaucoup. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que là, d'avoir la version française, ça aide. Mais quand les animaux, ils parlent... Enfin, je me souviens plus des films, mais il y a un ou deux films. Déjà, dans le premier, parce que c'est avec des chiens, donc les chiens, ils parlent pas. Ils aboient, mais c'est tout. Mais après, il y avait le film... Je me souviens plus quel film, mais je crois qu'il y en avait un ou deux, où en fait, les animaux, ils disaient... ah oui, c'était ça, dans le... Dans le lionceau et la tortue. Et ils disaient... ils parlaient un peu n'importe comment... Et dans un langage qui n'existait pas. Et après, moi, je l'ai regardé en français. Donc, et après, il disait la traduction en français. Ok. D'accord. Donc, il y avait là une première et ensuite, après, ce français. Ouais. En fait, moi, je l'ai regardé en VO, donc. Mais en fait, je crois qu'en fait, dans Le Lionceau et la Tortue, je crois qu'il parlait pas en... Je crois qu'il parlait en français, en fait. Tu crois? Ça paraît peu probable. Bah, je me souviens pourtant qu'il parlait comme ça. Il parlait en russe, non? Avec le texte était écrit... Non, je crois qu'en fait, il parlait en russe et qu'il parlait en français au-dessus. Ah, il me semble, en effet, c'est peut-être pour ça que c'était, l'idée n'était peut-être pas d'être compréhensible, peut-être que la version originale, en fait... Ah, c'est une bonne... merci, parce que c'est vrai que j'ai remarqué ça, peut-être que la version originale était en fait en français. Donc, on ne pouvait pas comprendre, en fait. Les gens ne pouvaient pas comprendre, parce que comme tu dis, c'est une langue inventée. On n'a pas l'impression de la comprendre. Et peut-être que la version originale est en français, en fait. Si Marion de Malavida nous écoute, elle peut nous appeler pour nous dire pourquoi d'un seul coup. Mais en effet, j'ai regardé en VO de nouveau, Et il y avait cette version, je me suis dit pourquoi il y a une version française, j'ai trouvé ça étrange. Alors, est-ce que maintenant on va passer, est-ce qu'il y a l'un des films pour vous dans ce programme qui est votre préféré? C'est le film que vous adorez, que vous pouvez revoir. Dis-nous. C'est pas mon film préféré que j'ai vu dans ma vie, mais il y a un du film qui m'a beaucoup plu, c'était La Moufle, parce que j'ai trouvé ça très joli. La petite fille, elle était très mignonne, et puis j'ai trouvé marrante la petite moufle. Tu nous racontes l'histoire un peu, comment tu la résumerais? En fait, c'est une petite fille qui a envie d'avoir un chien, et à un moment elle voit sa voisine avec un chien, et elle sonne chez sa voisine pour qu'elle lui donne un chien. Pour jouer au moins avec un chien, et la voisine elle lui donne le petit du chien, et quand elle rentre, en fait, la mère elle est pas d'accord, donc elle est obligée de le rendre à sa voisine. Après le chien, si tu te rappelles, le chien fait pipi sur la moquette aussi, c'est pour ça que la maman est pas d'accord. Oui, c'est pour ça. Et après, du coup, elle est triste, et en fait elle prend hyper soin de elle fait semblant que sa moufle c'est un chien, et elle prend soin, et sa moufle après elle s'anime en chien, et voilà, et donc après elle vous... Et, vous n'allez pas dire la fin? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être pas. On va rester là comme ça, les gens pourront découvrir la fin. On va pas divulgâcher, comme on dit. Ah oui, parce que sinon ils iront pas au cinéma. En québécois. Bon, après t'as quand même l'occasion de découvrir, mais voilà. Toi, t'as aimé quoi? Parce que t'as la parole. C'est quoi ton film préféré du programme? On est bien d'accord, pas de votre vie complète, juste déjà de ce programme-là. Il y en a un que t'as préféré, toi? Non. Non? Il y en a un que j'ai pas trop aimé, donc c'est... Ça, on le fera après. Déjà, à savoir s'il y en a un. Il y en a pas un que t'as vraiment aimé ou t'as... Voilà, non. J'en ai aimé trois, et comme j'ai dit, il y en a un que j'ai pas aimé. Ok. C'est quoi pas celui que t'as préféré, mais est-ce qu'il y en a un? Je sais pas, si tes parents disaient, tiens, on va regarder l'un des films de ce programme, tu regarderais lequel? Si tu devais en choisir un, à revoir. Je sais pas. Par exemple, si tu devais en montrer un à papa qui a pas vu le programme, lequel tu lui conseillerais de regarder? Le petit hérisson à la brume, je pense. Nicolas, juste tu peux... Non, mais Katchanov? Je sais pas, t'as un petit peu Katchanov, Norstein, c'est quand même un programme juste. On va les réécouter après. Hein, et Nazarov, c'est quand même trois réalisateurs super importants. En fait, c'est un programme qui se tient bien à ce niveau-là, au niveau déjà. La quatrième, j'avoue, j'ai un peu honte, qui est Inessa Kovalevskaya. J'avoue, en fait, je ne la connaissais pas. Si je me trompe pas, les quatre films avaient déjà été édités en DVD, mais il y a déjà très longtemps, je crois que ça fait plus de 20 ans, dans les collections cinéma russe, dont le dernier volume était justement les films réalisés par des femmes. Il y en avait quelques-unes, mais il y en avait moins quand même à cette époque-là aussi des hommes. Et ils avaient fait un volume justement avec des films réalisés justement par des réalisatrices. Et il y avait justement, il me semble, ce film dedans. Et en fait, c'est vraiment justement un programme qui est assez intéressant, parce que en plus il rend bien compte d'une certaine façon d'un état, on va dire, du cinéma d'animation soviétique, justement, notamment d'après-guerre, mais même un petit peu d'avant-guerre, où en fait il y avait énormément de contes et d'adaptations de contes, que ce soit en long métrage ou en court métrage, mais là vraiment en court métrage, avec à chaque fois justement des techniques différentes, des styles différents, où en fait ce qui est assez intéressant, c'est qu'il laisse vraiment des auteurs valoriser un petit peu leur propre style et remettre un petit peu leur propre style dans chaque conte, avec des contes justement complètement... populaire en Russie, mais qu'on connaît pas forcément ici, comme le petit Brisson dans la brume, justement, qui est vraiment un conte très populaire. Et d'ailleurs, ce sont des films qui sont devenus des classiques quasiment dans leur genre dès leur sortie. Et j'ai l'impression que tous les Russes ont grandi justement par la suite avec ces films qu'ils connaissent tous par cœur et que nous on découvre un petit peu, parce que finalement c'est un peu une culture qu'on n'a pas nécessairement, à part peut-être justement le film de Norstein, parce que Norstein a quand même une réputation un petit peu différente des autres, et que celui-là est vraiment valorisé depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a des statues du hérisson dans certains villages. Oui, j'ai vu qu'ils avaient fait un timbre à l'effigie du hérisson et plein de goodies. Oui, je trouve ça assez drôle. Il y a vraiment des statues dans des villes, enfin, etc. C'est un vrai personnage que les enfants voient. Et d'ailleurs, après, à la fin, enfin, après, qui n'est pas dans ce programme-là, mais d'une certaine façon, qui rend compte un petit peu du côté de l'importance du conte au niveau de la Russie soviétique, justement, aussi, et de l'animation, et parfois d'ailleurs des doubles sens que peuvent revêtir un petit peu ces contes-là aussi. Il y a justement le conte des contes de Nordstein qui peut être vu par des enfants, et en même temps, les adultes comprennent les choses très différemment, puisqu'il y a pas mal de métaphores autour des pogroms, etc. aussi, dans ce film-là, même si c'est pas montré, par exemple. Donc, allez, on va revenir évidemment à nos jeunes critiques, mais Nicolas, puisque tu as la parole, on va te laisser nous dire. Le prochain, tu ne sais pas parce que je l'ai fait, c'est allez là, Diane of Love. Oui, qui est une chanteuse justement folk américaine qui arrive depuis quelques années maintenant et qui a justement cette chanson Off Love. J'ai mis normalement, alors si c'est la bonne version, c'est la version démo qui est un tout petit peu plus courte que la version finale. Celle que tu m'as envoyée. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est la version démo qui est un peu plus courte que la version finale et qui, je trouve, se tient d'ailleurs encore un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits... Elle est un peu plus brute, elle est un peu plus folk justement dans la... Voilà, et on entend encore davantage la voix de la chanteuse, que je trouve absolument admirable. Voilà. Marie-Pauline est d'accord, donc c'est bon. Et on écoute donc les fameuses voix envoûtantes de Nicolas Ortiz. You took me out across the water, carried me so my feet wouldn't get wet. The sun, she sank and gently painted tawny light on the silhouette of love. In stillness of love, in Pardon. C'est le bon moment toujours qu'on préfère. Déjà, on le fait déjà, de toute façon, vous inquiétez pas. À l'intérieur de Bulle de Rêve, on est toujours comme ça, Nicolas le sait bien. On parle toujours de toute façon, hein, et donc on parle. Donc voilà, donc, en effet, la lumière est rouge. Donc là, normalement, on va recommencer à faire Bulle de Rêve. Donc bonjour à tout le monde. Et là, vous me troublez tellement que je vais dire bonjour à chaque fois qu'on va reprendre l'antenne, alors que j'ai déjà dit bonjour trois fois. On a nos jeunes critiques en herbe. Marie-Pauline, tu nous les représentes? Eh bien oui, nous sommes en compagnie de Rosalie et de Raphaël. Nous avons dans les coulisses Adèle qui écoute et qui va finir avant la fin de l'émission par venir nous dire un petit mot sur le programme, j'en suis sûre. Oui. Elle va avoir envie. Tranquille, on va y aller doucement. L'idée, c'est que tu es un peu loin de la table. Donc, déjà, il faut que tu te rapproches doucement de la table et on va y aller. Par exemple, tu vois, si tu n'es pas d'accord avec ce que disent les deux autres, surtout, t'hésites pas à intervenir. Hein. Ouais. Bah oui, parce que des fois, on dit des bêtises. Genre, moi, tout à l'heure. Tu peux dire aussi, juste sans donner de raison, c'est quoi ton film préféré? Ton petit film préféré? Alors? Tu peux dire? Ta sœur te demande, vas-y, est-ce que tu as un film préféré dans les quatre? Je crois que c'était La Moufle. La Moufle aussi, oui. Tu nous rappelles ton âge? Enfin, tu nous dis ton âge? J'ai 9 ans. Ok. Et toi, puisque tu es devant le micro, j'en profite un peu si tu veux pas, mais tu trouves que le programme, je sais pas, t'as bien aimé les... Même si t'as peut-être aimé des films, ouais. T'as trouvé ça intéressant? Oui. Ok. Tu vas le conseiller à tes copains et à tes copines à l'école? Je sais pas. Oui, peut-être. Okay. Je suis pas sûre que ce soit le genre de tes copines. Non. Alors. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On va revenir. Merci. On va te laisser te rasseoir et tu vas revenir après. Mais voilà, déjà, c'est super. Est-ce qu'il y a un film? Allez, c'est le moment où on se lâche. Est-ce qu'il y a un film que vous avez quand même moins aimé dans le programme? Oui. Oui. Alors, vas-y. On va laisser. On va aller en alors, premier. Moi, c'était. Celui que j'ai le moins aimé, c'était le lionceau et la tortue. Et j'ai quand même trouvé que le lionceau, il était drôle, mais après j'ai pas vraiment tout compris à l'histoire. Et puis ça m'a pas trop plu. Et je trouve pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'intérêt à ce film. Ok. Et toi, Raphaël? Ben, moi, c'est aussi le lionceau et la tortue. Non. C'est... Comment le lionceau chante avec la tortue, je crois qu'il s'appelle. Oh, je sais plus, hein, ça fait... Alors moi, j'ai noté le lionceau et la tortue. Oui. Mais t'as le droit de réinventer le titre, hein, c'est bien aussi, mais... Regardez le film et vous me direz le titre. Et pourquoi t'as pas aimé? Ben, moi, je trouvais ça un peu ridicule. Ridicule, carrément. Enfin... Non mais t'as le droit, hein, je te demande juste de d'élaborer. De nous sommes dans une table ronde critique. C'est pour ça. Donc vas-y, pourquoi t'as pas aimé? Bah je viens de vous dire. Rosalie nous a dit, tu peux faire mieux, je te connais, tu peux faire mieux. Non, tu trouves ça ridicule, mais pourquoi? C'est l'histoire qui t'a pas plu, c'est les personnages, c'est les personnages. Ouais, tu trouves qu'ils sont pas... Qu'est-ce qu'ils font que tu trouves ridicule? Ils parlent de chanter allongé. Et ça t'a paru vraiment ridicule de chanter allongé. Tu chantes jamais allongé. Bah c'est surtout que la tortue, je vois pas vraiment si... pourquoi elle serait allongée, la tortue. Et la tortue, elle arrive à bouger son corps sans bouger la carapace. Ça c'est bizarre parce que c'est pas un comportement d'animaux. Puis surtout que la carapace, elle est pas sur le ventre d'habitude, quoi. D'accord. Là la carapace, elle était sur le ventre. Waouh, là vous êtes super. Ça, c'est aussi un peu ridicule. C'est, d'accord. Donc celui-ci, il est un petit peu ridicule. Okay. Et aussi la chanson. Il est ridicule un peu, la chanson qu'il chante. Ok. Ouais, Nicolas veut dire quelque chose. Simplement, c'est vrai que le titre, apparemment, il sort sous le titre de « Comment le petit lion et la tortue ont chanté une chanson ». C'est le petit lion, c'est pas le lion. Non, c'est le petit lion. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu long comme titre. Je prends pas une place pour comment le petit. J'ai déjà oublié. Comment le petit lion chante et la tortue chantèrent ensemble? Non, chanter une chanson. Chanter une chanson. La Moufle, toi t'as bien aimé Raphaël ou pas? La Moufle, oui. Entendu, ouais. Bah oui, je vous l'ai dit, j'ai eu mes trois films et il y en a un autre que j'ai pas aimé. Ça, tu nous l'as déjà dit. Maintenant, faut que t'arrives. C'est exactement la troisième fois. Oui, mais pense à ta mère qui est critique, qui essaie de développer des choses et quand elle vous parle. Pourquoi, par exemple, t'as aimé La Moufle? Qu'est-ce qui t'a plu dans La Moufle? Rosalie, tu nous as super bien parlé. Moi, je trouve que l'idée de La Moufle qui se transforme en chien, c'était pas mal. Hein. Ouais. contrairement à l'idée d'un lion et d'une tortue qui chantent allongés. Vous faites ça, vous, de temps à autre? Vous avez des objets chez vous et vous leur donnez une vie comme ça? Vous êtes, ça vous arrive? Je faisais ça quand j'avais 4 ou 5 ans, mais je vais dire non, plus maintenant. Tu devrais. Moi, je continue à le faire, tu vois, non, j'ai plus 4 et 5 ans. Non, mais je jouais avec des figurines, mais voilà. Ouais. Mais après, quand j'avais 4 ou 5 ans, je donnais une vie à mes doudous, mais c'était... voilà, quoi. J'ai arrêté. Tu vas recommencer plus tard. Marie-Pauline, est-ce que tu donnes vie à tes... Est-ce que tu as encore des doudous? Et est-ce que tu donnes vie à tes... des objets autour de chez toi? Alors moi, il faut savoir que je parle à peu près tout et n'importe quoi si ça se présente, donc oui, j'assume. Je parle, je sais pas, à la porte ou au livre qui s'est caché, enfin oui. Je me parle à moi-même. Pascal? À mes gâteaux avant de les manger. Parce que j'ai une petite pensée pour eux quand même. Stéphane? Moi, j'aime bien insulter mon ordinateur. Bah moi, j'aime bien insulter celui de mon père. Rosalie nous a dit tout à l'heure que tu passais beaucoup de temps derrière ton ordinateur. Et donc voilà, elle t'a imité, c'était pas mal. Nicolas, je suis sûr que tu parles. Absolument à tout. Ouais. Mmh. Aux fruits, aux légumes. Exactement. Que tu récupères, enfin, etc. Tiens, voilà, prends ça. Et toi? Et aux personnages de films. Et parfois, à leurs cinéastes. D'accord. Effectivement, je pense que je suis plus dans le domaine de l'insulte, quelquefois. Surtout en ce moment. Je suis sûr qu'il y a des choses quand même. Ouais, tout le temps, tout le temps. Tout le temps? Ouais, je trouve ça bien de donner. Tu vois, c'est pour ça qu'on aime l'animation. J'avais pas trop compris maintenant. En fait, moi, oui, je parle à tout n'importe quoi, mais je croyais donner une vie, c'était genre lui imaginer sa réponse. Oui, c'est peut-être un peu. Ça, je le fais pas plus trop. Mais moi, je parle à tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous trouvez que c'est des films qui sont un peu vieux, entre guillemets? Non, vous n'avez pas trouvé, parce qu'il y en a un qui est de 67, l'autre de 74, 75, 82, c'est même des chiffres, je ne suis pas sûr que ça vous parle tellement c'est loin. Ça ne vous a pas embêté? Ça te parle, pardon, je suis désolée, je ne voulais pas. Non, parce que déjà, les films vraiment vieux, c'est ceux où l'image est moins bonne, et surtout en noir et blanc, c'est pas génial. Mais maintenant, ils continuent à faire des films en noir et blanc, mais souvent, les films en noir et blanc, c'est des vieux films, et l'image n'est pas très, très fluide. Bonne. Là, les techniques, le fait que ça soit de la marionnette, le fait, c'est pas de l'ordinateur qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ça t'a pas dérangé, toi? Il y avait des trucs que je trouvais moins bien dessinés, mais ça m'a pas trop dérangé. Ouais. Raphaël, toi, le fait que ça soit pas forcément ce qu'on voit le plus souvent dans les grands films aujourd'hui, ouais. T'as bien aimé les marionnettes, les marionnettes de la moufle, par exemple. Ça c'était pas mal. Ouais. Et faut pas. Moi, je pense qu'il faut continuer à en voir quand même les films en noir et blanc. Hein. C'est pas parce que l'image est moins bonne. D'ailleurs, je suis pas sûre que l'image soit moins bonne qu'il faut arrêter de les voir. Non mais. Rosalie, attends, c'est un vrai débat qui se met en place. On va laisser parler. Donc chacun comme ça. Rosalie. Je dis pas ça, mais je dis que déjà quand on voit un film en noir et blanc, et ben on voit pas tout parce qu'on voit pas les couleurs. Et après, si on voit un personnage en couleur, et ben on se dit ah oui tiens, il est comme ça. Ah moi je l'imaginais pas du tout comme ça. Et après, mais après, t'as des films en noir et blanc, souvent c'est des vieux films, mais après les nouveaux films en noir et blanc, je suis pas contre, hein. Mais les vieux films en noir et blanc, comme par exemple, moi j'ai vu en classe le voyage vers la lune. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça le nom du film, c'est ça. Il y en a plusieurs. C'est le vieux. C'est un film avec quoi? Avec des scientifiques qui. Oui. Et avec une lune, c'est ça. C'est Méliès, oui. Je pense. Ça doit être celui-ci. Oui, c'est Palzéman. C'est très, très vieux. Mais ouais. Ça, c'est carrément le début même. Ouais. Oui, ça, c'est. Le début. J'ai pas trouvé que l'image était très, très bonne. Ah, oui. Et souvent, quand. C'est oui, pas c'est des. Méliès. Ah ben souvent, oui. quand c'est des vieux, quand c'est des vieux films, on a des lignes qui apparaissent de temps en temps qui coupent l'image. Des toutes fines, hein, mais. C'est... Après, Raphaël, elle n'a pas complètement tort. Tu sais qu'il y a un grand romancier, on ne va pas commencer avant, qui a vu les premiers films à l'époque en noir et blanc. Et il a écrit une lettre en disant. Il a écrit une lettre à son ami en disant: je reviens du pays des fantômes, j'ai vu des gens qui étaient en noir et blanc, qui ne parlaient pas, c'était pas du tout nous. Parce qu'à l'époque, évidemment, ils étaient en couleur. Comme nous, et ils parlaient. Et donc, là, avant, quand ils voyaient ça, nous, aujourd'hui, c'est plutôt beau. Alors, il y a des films différents, parce qu'après, il y a des films qui ont été faits, comme tu disais, en noir et blanc, qui sont voulus en noir et blanc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les vieux films, il y a plein de gens qui se disaient, ben, ça ne nous représente pas, parce que finalement, on n'est pas en noir et blanc. Mais j'ai jamais dit qu'elle avait tort. Mais j'ai pas dit que t'avais tort non plus, c'était pas du tout... T'inquiète pas, on n'est pas dans un truc comme ça, c'est juste que je te disais, bah, c'est intéressant aussi. Mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter les films en noir et blanc. Enfin, moi non plus. Moi, j'ai jamais dit que t'avais tort, en fait. Comme quoi, on peut avoir des vrais débats critiques. Merci, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Marie-Pauline, tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez aimé, je sais pas, parce qu'on a beaucoup parlé de l'image, on a beaucoup parlé, je sais pas, les musiques qui étaient, le son qui est derrière, oui. Selon les films. Moi, j'ai trouvé que il y avait des moments dans le petit hérisson dans la brume, et il y avait des moments où en fait il y avait pas de son, et puis quand il y avait une chose, par exemple, il y a un moment, il y a une chauve-souris qui apparaît, il y a un gros voilà, et après il y a un moment où quand ils veulent faire paraître stressant, il y a pas de bruit, et puis tout à coup on entend une musique un peu stressante, et puis ça dure 4-5 secondes, et puis après ça s'arrête. Donc on t'a aimé, t'as pas aimé ça, d'accord. Non, j'ai pas trop aimé. Mais après, ça m'a pas trop plu, mais après, les autres, c'est, si j'ai pas remarqué, c'est que la musique était pas mal. Toi, Raphaël, t'as fait un peu attention à la musique des films, ou pas forcément? J'ai pas fait attention à la musique, non. Non. Ah si, tout à l'heure, je vous disais, à propos du lionceau et... du petit lion... c'est pas très grave, on a compris que c'était le film que t'aimais pas. Oui, et je disais du coup que la chanson était un peu ridicule. Ça, j'ai remarqué, du coup, ben, je redis, elle était ridicule parce que je l'ai pas trouvé. Quoi. Est-ce que vous trouvez que c'est des histoires qui... Je sais que je vous ai plus ou moins posé la question, mais est-ce que vous trouvez que c'est des histoires qui sont encore bien aujourd'hui? Vous rappelez, tu nous disais que ça parlait de l'amitié, justement. Est-ce que vous trouvez que c'est des histoires, alors peut-être pas les dire à ses copains, ses copines d'aller les voir, mais est-ce que si, vous... Je sais pas, c'est... Ouais. Moi, je pense que ça serait une bonne idée qu'on envoie des gens les voir, parce que peut-être que ça changerait les idées dans ce monde. Hein. Ok, tu penses que d'un seul coup ça peut permettre de montrer que l'amitié est importante, c'est ça, et de comprendre l'autre? Il faut déjà que les gens ils aient... Pardon, on va juste finir. Je te promets, on laisse la place. On a du temps, donc vous inquiétez pas. Fini. Peut-être pas d'un seul coup, mais oui, peut-être que ça changera un peu les idées, donc je le redis. Ok. Bah justement, les idées, elles sont différentes, donc il y aura des gens qui ont peut-être un point de vue différent de nous et qui vont pas comprendre que ça se rapporte à l'amitié et tout et tout. Il y a des films, ça peut. C'est voyant, mais dans les quatre films, il y en a où tu vois moins cette. Où tu vois moins cette amitié. Et du coup, ce serait pas. Je sais pas si tout le monde comprendrait et se dirait, ah oui, l'amitié, c'est important. Bien sûr, il y en a qui savent déjà et ils n'ont pas besoin d'aller voir des films pour ça. Mais il y en a d'autres, ils comprendront peut-être pas, quoi. Après, c'est là où vous êtes. C'est pour ça que vous êtes là. Bon. C'est pour leur dire. Oui, c'est le travail. En plus, là, pour vous deux, c'est le travail de vos parents, en tout cas, de certains de vos parents. Alors, c'est ce travail-là, non? C'est d'essayer justement de dire aux autres, regardez, c'est peut-être ça qu'il faut voir dans le film. Après, je rappelle que nous sommes à la radio et qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais je pense que ceux qui ne nous écoutent pas, peut-être qu'ils vont penser que ça ne sera rien, l'amitié. Que les gens qui nous écoutent qui sont bien, tu veux dire, en gros c'est ça que t'es en train de dire. Je veux dire, peut-être que les gens qui nous écoutent pas ne comprendront pas. C'est-à-dire que tu penses que là vous avez fait un bon travail et que les gens vont comprendre forcément. Je dis qu'on a tous des idées différentes, voilà ce que je dis. Non, ok, mais, tu sais qu'il y a plein de radios dans le monde et qu'on n'est pas la seule radio là. Et tu sais, il n'y a pas tout le monde qui est en train d'écouter la radio. Mais si j'ai exactement ce que j'ai dit. Il y en a qui sont en train de regarder des dessins animés, il y en a qui sont en train de jouer au Playmobil. J'en sais rien, moi, on n'est pas forcément hyper écoutés. Hein. Ah ben ça, malheureusement, nous on n'est pas hyper écoutés. Moi, je pense qu'on peut vous laisser. Est-ce que Nicole, on peut peut-être prendre un verre? Je vous trouve très bien, en tout cas, vous êtes parti. Est-ce qu'on va tenir la radio seule? Je pense que vous pourriez, en tout cas, sans aucun problème. C'est. Bon, alors on vous laisse. Non, mais c'est cool, les adultes, pour rigoler sur ce qu'on est en train de dire, quoi. On vous sert, vous avez besoin d'un public, voilà, c'est ça. Ok, je comprends. Est-ce que le genre de film, est-ce que vous considérez que vous en avez déjà vu avant? Alors, vous êtes dans des familles où vous avez vu des courts-métrages, des choses comme ça, vous en avez vu souvent avant? Est-ce que vous avez été surpris en disant, oh, j'ai jamais vu ce genre de choses, ou non, vous avez l'impression d'avoir déjà vu beaucoup? Pas du tout, Rosalie? Pas du tout, parce que moi j'en ai déjà vu comme ça. Peut-être pas une fois par semaine, non. Pas une fois par semaine, mais non, j'en ai vu pas mal. Donc vous êtes déjà, toi aussi Raphaël, donc, je connais déjà la réponse. Moi, j'avais déjà vu, bon je m'en souvenais pas malheureusement, donc j'ai dû le revoir. Bon, t'étais au courant, t'étais là quand je l'ai vu. C'est pas grave, on parle de ça. Non, l'idée c'était de savoir pourquoi. Et donc, et puis c'est pas le seul dans le genre que j'ai vu, hein, je pense pas en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes des. Pardon, excuse-moi Raphaël de te couper, mais c'est juste. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes déjà. Vous considérez des enfants ou vous avez déjà vu, vous êtes pas. Il y a plein d'enfants qui vont voir que les gros films. Pixar, DreamWorks, les 3D, etc. Ah ouais. Vous avez déjà vu, c'est-à-dire qu'en voyant ces films-là, il y a déjà des choses, voilà, que vous reconnaissiez ou vous êtes dit, je me suis pas étonnée quand je l'ai vu, quoi. Voilà. Je me suis même dit que c'était normal, c'était un film normal. Et toi, il n'y a pas de normal et pas normal. Bah, c'est un film et un film, c'est il y a pas de films qui sont moins, il y a pas de films qui sont. C'est un film, quoi. Bah oui, c'est un film. Voilà. Waouh. Moi, je dis, c'est 4 courts-métrages, pardon. Ouais, ça on sent les parents derrière, on sent toute l'éducation après. Adèle, un dernier mot ? Non, toujours pas. Est-ce que... Moi, je trouve qu'il y a un film dont vous avez moins parlé, en fait. Oui. Ah, oui. J'ai l'impression que vous avez moins parlé de... Il était une fois un chien, exactement. Ah oui, alors, par exemple, je peux... Vas-y, Rosalie, après... Je raconte l'histoire, je raconte ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu. Je raconte ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu. Vas-y, oui. Déjà, dans... En gros, ça parle d'un chien, du coup, voilà, comme c'est le titre. Et en gros, c'est un chien qui est déjà très très vieux parce qu'il précise dans le début du film. Et en gros, il vit dans un village, si c'est ce que j'ai compris. Parce qu'en fait, il y avait des choses que j'ai pas compris. Et voilà, parce que c'était un peu, il y avait des moments où je comprenais un peu moins les choses. Mais moi, j'ai bien aimé. Et puis. J'ai trouvé ça assez drôle et les deux personnages, c'est parce que à un moment le chien il se fait chasser et il va rencontrer un loup et le loup il va l'aider et les deux personnages ils sont assez drôles, voilà, et surtout à la fin ils font un truc de très drôle, mais je vais pas vous raconter. Et l'idée c'est quand même que le chien, en fait, un peu personne ne s'intéresse à lui, voilà, le loup va lui dire, oui. Voilà, je vais t'expliquer comment ta famille peut de nouveau s'intéresser, enfin, et les gens, voilà. Et donc, ils vont développer une tactique et en fait, je raconte pas. Tu vas laisser comme ça. Je peux dire un truc ? Alors, évidemment. Moi, le loup, quand j'ai vu comme ça, je m'attendais, j'avais pas compris que c'était un loup. Hein. Donc, j'espère que vous écoutez le truc parce que sinon, vous n'allez pas comprendre que c'est un loup avant la fin. Peut-être pas. Moi, j'ai compris. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai compris directement. Ah, ouais. En fait, c'est un chien un peu plus grand, gris. Alors, et blanc. Je trouve que Rosalie, c'est un chien un peu plus grand gris, donc c'est un loup. C'est une évidence. Gris et blanc. Parce que voilà. Oui, c'est... Moi, je me dis, c'est la lune qui fait que ça soit gris. Hein. La lune et l'ombre. Okay. Moi, je me suis dit ça. Bah, et tu regardes le chien, en fait, il est aussi à la lune et l'ombre, et il a pas perdu ses couleurs, quoi. Je dirais. Oui, bah là, sur le coup, je me suis dit, c'est un autre chien, mais. C'est vrai que tu l'as compris aussi. À un moment du film, ou est-ce que tu viens de le comprendre maintenant ? Je l'ai compris à la fin quand il s'est mis à. Quand il a dit qu'il allait chanter un peu. Et Ravel, tu disais, Rosalie a résumé deux des films. Maintenant, j'ai un truc pour toi. Est-ce que tu résumes Le Petit Hérisson dans la brume ? Comment tu le résumerais ? Ok, d'accord. Juste le résumé, tu dis pas évidemment la fin, c'est juste pour donner l'envie aux gens. Donc en gros, c'est un petit hérisson qui se rend chez son ami l'ourson pour observer les étoiles. Et sur son chemin... Il rencontre des animaux qui lui font un peu peur quand même. Qui font un peu peur à tout le monde parce qu'ils sont beaucoup plus grands que lui. Alors on s'attend pas à ce qu'ils apparaissent. Ah si, la chouette, on la voit souvent, sauf qu'elle fait pas de bruit et personne ne s'aperçoit. Et le petit hérisson ne s'aperçoit pas qu'elle est là. Et du coup, il perd un peu son chemin et tout. Est-ce que je peux... Bien sûr. C'était déjà, en fait, il va vivre une petite aventure parce qu'en fait, à un moment, il s'arrête devant un cheval qui, enfin, c'est déjà c'est la nuit, s'arrête devant un cheval et le cheval il est entièrement dans la brume. Il se demande si le cheval il va se noyer dans la brume quand il va s'allonger pour dormir. Et donc il voudrait aller voir la brume de plus près. Et il va s'aventurer dans la brume et voilà, il va vivre des aventures. Donc et c'est comme ça qu'il va se perdre. Oui. Et du coup, il va rencontrer, je crois, une chauve-souris, bah, le petit chien déjà. Et après, il y a quoi d'autre comme animaux? Ah oui, il y a un moment, j'ai cru voir un éléphant. Ah oui, moi j'ai cru entendre un éléphant. En effet. Il y a aussi un animal, on ne sait pas trop ce que c'est, qui est dans un lac. Ouais, et il dit bien, il donne pas son nom, on sait pas ce que c'est en effet. Ouais. Ce que je vous propose, vous aurez un dernier mot, on va écouter ce que nous a l'enregistrement donc de Basile, qui aurait dû être avec nous. Basile, alors j'ai réenregistré les questions qu'on avait posées, ce qui fait que vous allez entendre ma voix et pas la voix de Camille, sa maman, que je remercie d'avoir fait ça. Et donc voilà, on les remercie, on remercie Basile d'avoir regardé. Donc on va écouter ce que nous propose, ce que nous dit Basile sur ce programme, et puis après, savoir si vous avez des réactions, une dernière réaction sur ce programme et sur ce que dit Basile. D'accord. On écoute Nicolas. Alors, est-ce que tu as aimé le programme? Oui, j'ai bien aimé le programme. 39 minutes, je trouvais ça pas mal. Après, c'est vrai que tout n'était pas parfait, hein, mais c'était quand même bien. Je trouvais que là, vraiment... Je trouvais ça assez beau. La musique, là, vraiment une belle musique. J'ai vraiment trouvé ça un programme intéressant. Est-ce que dans le programme, est-ce qu'il y a un de tes films que toi, tu as préféré? Alors, est-ce que le nom que j'ai préféré le nom que j'ai... Voilà, j'ai bien aimé Le Hérisson et j'ai bien aimé Le Chien et le Loup. Le Loup et le Chien, j'ai trouvé ça assez mignon. Et j'ai bien aimé aussi le troisième, j'ai trouvé ça mignon quand il chantait. Voilà. Est-ce qu'il y en a un que tu penses que tu as un peu moins aimé? Alors celui que peut-être que j'ai moins aimé, c'était le premier. Je sais pas s'il avait des paroles, c'était assez mignon, mais non, en vrai j'ai bien aimé. Oh, non, en vrai ce serait dur de dire. Non, en vrai j'en ai pas tellement de préférés. Voilà. Et à ton avis, le programme, c'est pour quel âge? C'est pour tous les âges? Toi, ça convient à ton âge? Ça convient à plus petit? Qu'est-ce que toi, tu dirais? Alors, oui, c'est pour Eurovision, c'est pas non plus genre un film de bébé. Après, on peut le montrer à des plus petits. Par exemple, ma petite sœur a 6 ans, elle l'avait avec moi, elle peut très bien le voir. Après, je pense que pour vraiment ressentir l'émotion de ce texte, de ce qu'ils disent, pour comprendre vraiment ce qui se passe, l'histoire, la tristesse, les mots, la musique, un peu les effets. Oui, je pense que 7 ans et plus, ce serait mieux. Mais après, sinon, oui, 8 ans, je trouve que c'est un âge très correct pour ce programme de dessin animé russe. Alors, les films maintenant datent d'une certaine époque. Ils sont un peu vieux. Est-ce que toi, ça t'a gêné ou pas forcément? Alors, ça m'a pas trop gêné, j'ai trouvé ça assez bien. Vieux, j'ai même trouvé ça mieux que ce soit vieux, récent, ça m'aurait peut-être pas autant frappé. Ça m'égale que ce soit vieux ou pas. D'ailleurs, vieux, j'ai trouvé ça très bien aussi. Même, je pense que j'aurais préféré vieux, donc gêné, non, pas du tout. Et est-ce qu'il y a plein de techniques différentes, il y a plein de styles différents? Est-ce que tu as aimé toutes ces techniques-là? Est-ce qu'il y en a une que tu as préférée? C'est vrai que sur le dernier, la technique était assez frappante. Avec la brume, on voyait que ça allait vraiment très vite. Donc le hérisson dans la brume. Vous me demandez tout à l'heure, est-ce que le nom que j'avais préféré? C'était lui que j'avais préféré. Parce que j'ai trouvé qu'il avait tellement de volonté. Bien sûr que je trouvais que mignon, c'était bien aussi. Sur le troisième, plus mignon. Après, c'est peut-être malheureusement celui que j'ai le moins aimé. Malheureusement, le troisième. Je reviens juste sur cette question. Et non, alors je trouve que la technique est... Le deuxième aussi, il y a beaucoup d'animation. Et ça, l'animation, je trouve que... dessine bien, c'est assez réaliste, quoi. Et je trouve ça assez beau. Il y a vraiment quelque chose dans la brume qui m'a émue sur le dernier. Je trouve vraiment que sur je trouve que bien sûr, le programme est adapté, bien sûr tout. Je reviens sur la question d'avant, hein. Et non, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne réalisation. Parce que je trouve ça mignon ce qu'ils disent. Alors je sais que je le dis beaucoup, mais je trouve que les dessins sont assez frappants en mignonneté. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Oui, j'ai trouvé ça, voilà. J'ai réalisation, oui. Après, la réalisation, encore une fois, je redis, c'est pas 10 sur 10. Après, c'est même plus 0 sur 0. Hein. C'est plus 10 sur 10 que sur 0. Que d'ailleurs, 0 sur 10, pardon, 0 sur 0, c'est genre 10 sur 10. Mais non, c'est très bien. Voilà. C'est plus 10 sur 10 que 10 sur 10. Hein. Merci beaucoup à Basile donc pour ce petit résumé. En tout cas, voilà, c'est la réponse aux questions. Est-ce que vous avez, ou par rapport à ce qu'a dit Basile, ou un dernier mot à nous dire, ou un film à nous conseiller, ou juste, Raphaël, je termine juste. Je sais que moi aussi, hein, je suis comme toi, des fois j'ai envie, mais regarde, je finis juste comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le programme que vous aimeriez dire, ou je ne sais pas. Alors, Rosalie, et après Raphaël, promis, tu parleras. Vas-y, Rosalie. Ou tu veux l'inverse, on laisse Raphaël, comme ça tu regardes tes notes. On laisse Raphaël, non, c'est bon comme... Non, ça va. Non, mais moi aussi j'ai noté les films. T'as noté des films? Vas-y, ouais, dis-nous les notes alors, vas-y. Bah, c'est mes notes personnelles alors. Ah, comme tu veux, c'est comme tu veux. Non, non, mais c'est juste, je sais pas si vous allez être d'accord, voilà. Ah, mais... ça c'est autre chose. Alors, déjà, donc c'est sur 5 chaque petit film, mais okay. Donc déjà La Mouffe, j'ai vraiment beaucoup aimé. 4,8 j'ai mis. Okay. Après, merci. J'ai mis Il était une fois un chien, j'ai mis 4,2 sur 5. Okay. Le lionceau et la tortue, j'ai mis 1,6 sur 5 parce que j'ai... Je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment... Je pense que la réalisatrice n'est plus là, donc voilà, elle sera pas... Mais vas-y, donc 1,6 sur 5, ok. Juste parce que ça m'a pas plu comme ça. J'ai trouvé un peu que les personnages n'étaient pas hyper étaient un peu bizarres, voilà. J'ai pas trop et puis Le Petit Hérisson dans la Brume, j'ai noté 4,3 sur 5, voilà. Ok, donc quand même plutôt au-dessus de 4, sauf... Oui, sauf le troisième qui est vraiment le pauvre. N'en sort pas, Raphaël. Peut-être deux, j'ai pas noté les trucs, enfin je l'ai pas encore fait, mais peut-être que là je pourrais les noter d'un coup, là, comme ça. Ah, vas-y, okay. Fais-le d'un coup, mais comme ça. Ça va prendre peut-être un temps, je dis d'un coup, mais je veux dire, je vais mettre les notes tout de suite, quoi. Alors le premier, La Moufle. Bon, La Moufle. Sur 5. La Moufle, sur 5. Ouais. Ou sur 10 si tu préfères. Je dirais 3,5. Ok. 3,5. Okay. Donc moins que toi. Il était une fois un chien. Le deuxième. Le chien et le loup. Qui ne ressemblent pas à un loup, mais qui est quand même. 3,6. D'accord. Non, 3,4, pardon. 3,4, donc moins que La Moufle. Un tout petit peu moins. Alors. À un dixième. Ouais, ouais, mais c'est rien, mais t'as le droit. Le lionceau et la tortue, je vais la faire en petit, je suis désolé. Lionceau et la tortue. 2,5. Ok, donc t'es un peu plus gentil que Rosalie. Et Le Père des Sons dans la Brume. Elle faisait sur 10, non? Non, sur 5. Ah. Sur 5. Le Petit Hérisson sur la Brume. Dans la Brume. Dans la Brume. Sur la Brume, c'est joli, ça. 4. D'accord. On sent le critique, les parents différents derrière, le critique plus dur. Vas-y, Rosalie. Est-ce que, en fait, si ça vous dérange pas, je sais, je prends un peu de temps, mais est-ce que c'est possible de renoter Le Lionceau et la Tortue? Parce qu'en fait, j'avais pas tout compris en le voyant, mais en entendant les critiques, ça m'a permis de mieux comprendre. Donc, comme ça, je l'ai noté en le voyant. Bah, j'aimerais bien pouvoir. Déjà, c'est juste sur Le Lionceau et la Tortue. C'est 2,4. Ok, il a récupéré 0,8. C'est ça. Il n'a pas la moyenne. Non. Pas quand même, mais en tout cas, voilà. On est très en retard, mais c'est plutôt bien. On n'est pas du tout dans ce qu'on pensait. On s'est dit qu'on ferait 40 minutes sur Cartoon Movie, mais c'était plutôt bien. Je pense que là, Adèle, la prochaine fois, tu parleras, mais... Tranquille. Quand on entendra ta sœur, tu feras quand même. J'aurais pu parler un peu plus, tu verras. Tu veux pas noter un peu? Tu veux pas noter au moins ton préféré? Hein, à toi, au moins ton préféré? Tu veux que je te donne ça pour voir donc, le titre pour voir les La moufle. La moufle. Pour voir les titres, ben moi je mettrais 4,5. Ah. Ok. 4,5. 4,5 sur 5. Combien sur 5. Sur 5. Il était une fois un chien. Je pense 3,5. 3,5. Le lionceau et la tortue. Je mettrais 2. Et le petit hérisson dans la brume. Waouh, c'est super précis. Vas-y, tu nous enverras tes notes. Quand on aura ça, comme ça, tout le monde aura donné ses notes. Mais on peut rendre ses notes à Rosalie, qui a fait beaucoup de travail, qui a fait ses notes. Ouais, c'est incroyable, ça. Elle a travaillé plus que tout le monde ici, hein, je pense. Alors, je te remercie. On a monté tous ces trucs-là. C'est très sympa. On a des notes. Regarde. Comment il est, c'est juste Nicolas, mais Nicolas il a tout dans sa tête, il a pas besoin de noter. Nicolas, c'est dans le genre. Et Pascal, il a tout dans sa barbe. Moi je trouve qu'il a raison quand même. Hein, mais... Bon, alors disons en enfant. On va faire une pause musicale parce qu'on va et on va faire l'album de l'année au mois de mars. C'est Marie-Pauline Mollaret, elle peut dire, c'est l'album à mon avis du siècle de toute façon. Tout ce qu'ils font sont les albums de toute façon. Donc la surprise évidemment du jour, donc l'album de l'année pour Marie-Pauline Mollaret dès le mois de mars, c'est... Eh bien, l'album de l'année, évidemment, c'est le 9e album de The National, parce que oui, The National a annoncé la sortie de leur prochain album. Et donc depuis, ben, c'est officiel, il n'y a plus besoin de chercher, on sait qu'on tient l'album de l'année. Bon, même s'il faut encore attendre jusqu'au 28 avril, mais tiendra-t-on jusque-là? Je n'en suis pas sûre. Bon, évidemment, blague à part, c'est l'arrivée de First Two Pages of Frankenstein. C'est évidemment une excellente nouvelle pour tous les fans du groupe de Cincinnati, pardon, dont je ne fais pas du tout partie. C'est plus une fan, là. Voilà. On est sur autre chose. C'est une groupie. Voilà, d'autant que les deux premiers extraits qu'on a eus jusqu'à présent sont plutôt convaincants. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont convaincu, ils m'ont donné très envie d'en entendre. En plus, on nous annonce plusieurs collaborations, dont deux titres avec Phoebe Bridgers, que j'aime aussi beaucoup. Donc, ça promet. Et donc là, je vous offre le deuxième single qui est sorti en février. C'est tout récent, tout chaud. Et puis, bien sûr, nous aurons l'occasion de reparler très prochainement du reste de l'album. Mais en tout cas, là, nous allons écouter New Order T-shirt. Et juste, on va remercier parce qu'ils vont partir. Rosalie, Adèle, Raphaël, on le garde. Oui, moi, je reste. Mais Rosalie, merci beaucoup. Rosalie, bravo. Merci Rosalie, merci Adèle. Ouais, tout à fait. Et merci Stéphane. Merci Raphaël, merci beaucoup Stéphane aussi. Est-ce que Stéphane, tu veux dire un mot sur ce programme? Je t'ai proposé tout à l'heure, mais en fait, on était parti. Est-ce que tu en veux dire c'est un gentil. Mot moi, j'ai trouvé que c'était effectivement un très bon programme. Je ne l'ai pas noté, même si effectivement, ça m'arrive de noter les programmes. Moi, j'étais très impressionné par le film de Nazarov, Il était une fois un chien, que j'ai trouvé à la fois très fluide, très burlesque, une musique incroyable avec ses chœurs slaves, là, vraiment très émouvant. Et le film de Nordstein, que j'avais vu il y a longtemps et que j'ai revu, et qui dégage un mystère absolument, absolument envoûtant. Donc je le recommande à tous les gens de 3 à 103 ans, parce que c'est vraiment un très beau programme, même si moi aussi j'ai un petit bémol quand même sur le lionceau et la tortue, hein, oui, beaucoup, voilà, qui n'est pas, je pense, à la hauteur des trois autres. Est-ce que du coup, pour les gens qui ont 104 ans, ils ont le droit de le voir ou pas? J'adore les enfants qui reprennent leurs parents, je trouve ça toujours bien. D'autres gens qui tiennent jusque-là pourraient me dire. Oh non, mais tu sais, il y a des gens qui tiennent jusque-là. Oui, mais alors, je veux dire, à cet âge-là, peut-être qu'ils en ont marre du cinéma. Ce que je propose, parce que je pense qu'on est vraiment dépassé, donc le 5 avril sort ce programme, et ce que je propose, Rosalie et Raphaël, on peut peut-être essayer de créer une nouvelle émission R&R. Quelque chose comme ça avec vous deux, Rora, quelque chose comme ça, et vous faites des critiques, on vous donne. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un truc à faire. Je pense qu'on va vous engager. Et je pense que vous êtes meilleurs que nous. Donc, Non, on n'est pas meilleurs que vous. Merci beaucoup. Nicolas, on écoute. J'ai dit ça tout à l'heure, mais c'était censé être une blague. Et donc, Nicolas, on écoute The National. Merci.

avant de parler et un peu du FICAM et du Cartoon Movie. Ça sera un peu plus concentré, le Cartoon Movie. Vous allez nous dire vraiment les films. Est-ce que vous avez quelques news? Moi, j'en ai. Marie-Pauline? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, allez, je commence. Alors, des petites news rapidement, juste pour dire que le festival de l'AFCA commence donc à Rennes du 1er au 5 mars avec pas mal de choses. Alors, c'est à Rennes, c'est pas vrai, mais voilà, avec une expo autour de courts en volume, donc des films en stop motion, comme on dit, donc des films en volume, et une autour de Souls aveugles, femmes endormies, et une autre en sortant de l'école. Visiblement, CPD Farsi sera là. En tout cas, elle a été annoncée pour parler de La Sirène. Le film ne sera a priori pas montré, mais le film sera, voilà, en cas d'amieux, Arne de Meung, plein de longs et de courts. Voilà, c'est l'un des événements, en tout cas, autour de l'animation qu'il y a depuis de nombreuses années maintenant, et soutenir l'AFCA. Juste quelques petites choses, moi, très rapidement, il y a un cinéaste qu'on connaît assez peu et qui était important notamment, qui a fait quelques films en peinture animée, c'est Robert Lapoujade. Florence Millaille notamment, ça a été très important pour elle. Et donc je pense que sa fille, je ne sais pas, en tout cas j'ai reçu un mail, je ne sais pas si vous avez reçu, il y a un site maintenant, robertlapoujade.com, qui met en avant sa filmographie, en avant tout ce qu'il a fait, et ça permet de découvrir, c'est vrai, un auteur qu'on connaît assez peu, non Nicolas? Il y a peu de choses qui sont... Disons que c'est vrai que c'est un auteur qui a tendance à être découvert depuis quelques années. Il y a même eu une journée d'études organisée notamment par l'ENSAD autour de Robert Lapoujade. C'est un auteur qui est souvent cité par des animateurs, notamment donc Florence Millaille, mais je me souviens aussi de Pierre Hébert qui disait justement qu'il aimerait revoir ses films qui n'avaient pas été montrés depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a aussi une carrière bien au-delà de l'animation, mais au niveau de la peinture, etc. Je pense qu'il a un peu plus renommé encore, je dirais, un peu plus vu au niveau de la peinture, justement, que de l'animation. Il a fait quelques petites choses qui ont pu être montrées encore à droite à gauche, notamment, il me semble qu'à Annecy, ils avaient montré un film de Robert Lapoujade. Enfin, c'était... Portrait de la... Non, non, c'est, je ne sais plus. C'était Jean-Baptiste Garnereau qui avait participé à une restauration d'un film de Robert Lapoujade et qu'il avait montré dans une de ses séances à Annecy Classique. C'est vrai qu'il y a très, très, très peu d'éléments et ça commence à arriver. On commence à refaire un petit peu, mettre en avant le travail de Robert Lapoujade. Et donc, ça ne m'étonne pas, même si je n'étais pas au courant, que maintenant, il y a un site. Alors, en espérant qu'on puisse voir bientôt les films. Alors, voilà, il y a quelques liens sur le site de l'INA. Il n'y a pas, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant déjà de revenir là-dessus. Et je vous conseille deux films. Un qui s'appelle La plongeuse de Yulia Voitova, qui arrive sur Vimeo. C'est un film, moi, que je trouve très touchant, de La Poudrière. Et c'est un masseur qui va masser une plongeuse. Et c'est en papier découpé. Et quelque chose d'assez touchant sur l'utilisation du papier découpé. Donc voilà. Et surtout, je vous conseille, mais je pense que je sais que je ne suis pas seul à vous conseiller. Ah, Nicolas ? Oui, simplement par rapport à Robert Lapoujade, c'est en fait un extrait d'un film qui n'a jamais fini, qui est un Don Quichotte. Lui aussi n'a pas fini son Don Quichotte. Avec la voix de Claude Nougaro, qu'il avait fait dans les années 80, qui avait été montré au festival d'Annecy, donc quelques minutes. C'était assez impressionnant. Malheureusement, ça n'a jamais été fini. Voilà, Nougaro, Don Quichotte, c'est pas mal. Donc oui, un film, je sais, qui a beaucoup tourné, qui est un film assez bouleversant. Enfin, ouais, les mots sont un peu faibles, qui s'appelle donc « J'estime tout âge » en polonais, prononcé à la française, désolé, de Julia Orlik, et qui est un film absolument magnifique. Donc « Je suis ici, I'm here », qui est un film absolument magnifique, en quasiment plan fixe, un peu, mais en tout cas plan fixe, sur une personne, genre, bah, voilà, qui est visible, qui est mourante. Et derrière, toute la vie continue à passer derrière elle, alors qu'elle, on la voit avec quasiment pas de mouvement, quasiment, et le film est... Enfin, je sais qu'il a été posté récemment, Marie-Pauline, toi-même, tu disais que tu repensais souvent à ce film-là, et c'est un film qui est très marquant, un film de fin d'études, qui est pas de fin d'études, même pas. Non, un film d'étudiant, c'est mais un pas, film d'étudiant, pas de fin. Parce qu'en fait, elle a fait un autre film. Elle en a fait un autre après. Qui est peut-être... Oui, qui est moins bien, mais j'avais l'impression que presque c'est un film qui se dit ceci n'est pas un, elle appelait ceci n'est pas un film de festival. Et on a l'impression que c'est l'autre a tellement marché, a tellement été impressionnant qu'il y a quelque chose, pas de détruire ce film-là avec son nouveau film, mais il y a presque allez, je fais quelque chose qui a rien à voir. Ouais, je pense que comme ce qui se passe parfois, en fait, il y a eu tellement de succès autour du film que c'était peut-être un peu lourd à porter pour quelqu'un qui était effectivement encore étudiante. Ouais. Et c'est vrai que son film suivant était un petit peu rigolo parce qu'elle jouait de ça complètement. Et voilà, en tout cas, vraiment regardez-le. C'est voilà, c'est parti de ces films qui a priori resteront encore dans plusieurs années. Mmh. Alors, Marie-Pauline, Nicolas, est-ce qu'il y avait des belles choses au Cartoon Movie? Quelles étaient les... Allez, je vais un peu, parce que comme on a moins de temps que prévu, je sais pas, est-ce qu'il y a un ou deux projets que vous attendiez pas forcément, et en fait vous avez participé au pitch et vous avez dit oh, ça vous a donné réellement envie de voir. Est-ce qu'il y a eu ce genre de projet, Marie-Pauline ? Alors moi, j'ai un projet comme ça qui était un projet en concept. Donc, c'est-à-dire, c'est ces projets qui sont tout au début. Et ils sont présentés en 10 minutes, donc c'est très très court. Et par salve de 6 ou 7 d'un coup. Donc en fait, autant dire que quand on y va, c'est pas forcément pour voir un en particulier. Ou alors on en attend un et puis c'est un autre qui nous surprend. Et alors moi, j'avoue que je n'attendais absolument rien de ce projet qui s'appelle Cursed Children, qui est réalisé par Mathis Gonzalez. Et en fait, c'est absolument incroyable, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui commence à perdre des morceaux de son corps et qui, à cette occasion, se rend compte qu'il y a eu une malédiction portée sur sa famille. Et en creusant un tout petit peu, elle se rend compte que la malédiction sur sa famille, c'est parce que son grand-père a été quelqu'un de très important de la dictature bolivienne. Et ce qui est évidemment très fort, c'est que la réalisatrice, c'est son histoire. Alors pas le coup de la malédiction avec les morceaux de membres, a priori il lui manquait rien, mais sur le côté de son grand-père, donc, qui était un membre très important de cette dictature, qui n'a pas duré si longtemps que ça, comme elle le disait, c'est pas une de celles qui a duré le plus longtemps, mais qui a été une des plus meurtrières apparemment en Amérique du Sud. Et on doit à son grand-père, ou en tout cas à cette dictature, la mort de Che Guevara. Apparemment, ce serait lui et d'autres horreurs, enfin des massacres incroyables et tout. Et donc, évidemment, le film essaye de comprendre comment on vit avec ça, quand on soi-même, on n'a rien fait, parce qu'on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos grands-parents, et en même temps, on ne peut pas se laver les mains en disant, ça, c'est pas moi. Donc, il y a vraiment toute cette question autour de ça, autour de comment on vit avec ça, et puis de manière générale, la responsabilité d'un peuple, la responsabilité d'une famille et la culpabilité. Voilà. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment... l'idée, est, voilà, on en est vraiment au début, on a vu juste quelques images, etc. Mais il y a en même temps une sorte de ton humoristique, dans la manière dont elle le présente. Le pitch, en plus, était super, et vraiment la manière dont elle le présente était très chouette. Et évidemment, on sent le trauma qui est celui du personnage, mais qui est aussi un peu celui de la réalisatrice. Ça, c'est un projet vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu, alors que j'en avais jamais entendu parler. Tu me rappelles le titre ? Alors, ça s'appelle en anglais Cursed Children. D'accord. Nicolas. Alors, dans les films en concept, donc évidemment, quand on concept, l'avantage, c'est qu'on n'a généralement jamais entendu parler avant et comment ça arrivait. Il y avait aussi un film d'un réalisateur que je ne connais pas, italien, qui s'appelle Francesco Vecchi. C'est un film qui s'appelle Le Trésor de Wyrm et qui est une coproduction donc italienne, aussi française avec XBO Film et tchèque avec Morfilm aussi en plus. Donc voilà, sur un vieil ermite qui habite dans une caverne et qui rencontre, on va dire, donc ça se passe au Moyen-Âge, c'est vrai que j'ai pas dit, donc vraiment dans une forêt au nord de l'Italie, et en fait il va rencontrer une espèce d'enfant sauvage qui ne parle pas, et en fait tous les deux vont essayer d'aller affronter des créatures mystérieuses tout au long en descendant le fleuve, le Pô, justement au Moyen-Âge, et en fait ils vont le faire en stop motion avec un environnement assez crasseux, boueux, sale, etc. Et les quelques images qu'on a pu voir aussi donnaient plutôt bien envie. On a un projet un peu plus enfant, mais assez intéressant aussi. C'est ça, l'animation, même en concept, on a quand même quelques images à chaque fois, parce que c'est quand même comme ça aussi qu'un projet peut se vendre aussi plus facilement au niveau du visuel. De toute façon, tous les projets qui viennent sont censés avoir un teaser de 30 secondes ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou non? Là, c'est vraiment vos deux projets auxquels vous attendiez pas et vraiment vous êtes dit, ou est-ce qu'il y a un autre projet où vous dites, ça c'était juste nous, pour faire un peu de teasing et nous dire, ou pas forcément? C'était vraiment là les deux surprises, chacun de votre côté, Marie-Pauline, ouais, Nicolas aussi. Oui, quand même. Après, il y en avait un autre qui était aussi extrêmement intéressant, et malheureusement, je n'ai vu que la moitié du projet, je suis arrivé un peu en retard. Mais sur déjà, 10 minutes, t'exagères. C'était sur 20 minutes, là, c'est sur un projet qui était en développement et qui est donc un peu plus avancé, même si on n'avait pas entendu parler non plus avant. C'est The Bird Kingdom de Wesley Rodriguez, qui est un réalisateur brésilien qui apparemment a déjà fait des films qui sont un peu connus au Brésil, mais qu'on n'a jamais vu en France, des courts-métrages, et qui est une espèce de génie du dessin, qui fait son premier film et qui va être en résidence d'ailleurs à Annecy cette année pour le développement de son premier long-métrage. Et en fait, c'est coproduit notamment donc par Lupa Films au Brésil et Sacre Bleu en France. Donc voilà, c'est le nouveau projet de Sacre Bleu, et c'est vrai que les images qu'on a pu voir donnaient extrêmement envie. Ouais, c'est un projet assez chouette qui se passe dans une sorte de Sertão, je sais pas si je je le prononce bien, donc cette région du nord du Brésil, là, un peu fantasmée, dans laquelle les êtres humains ont la faculté de se transformer en oiseaux, en gigantesques rapaces. Et il y a évidemment toute une imagerie autour de ça, et toute une histoire, c'est ces grands bandits de grand chemin qu'on appelle Cangaceros. Voilà, il y a toute une histoire autour de ça, et une histoire aussi de filiation, de paternité, et ça a l'air vraiment très excitant. J'essaie de me souvenir, c'est pas Rui Guerra de... Non, c'est... Aide-moi. Je l'avais on en avait parlé, parlé. C'est terrible. C'est, voilà. Okangaselo, c'est le titre est monté Okangaselo. En tout cas, est-ce qu'il y a des films qu'on attend de réel, qu'on attend, qui vous ont... Je vais poser deux questions. Qui vous ont vraiment plu, vous dites, ah, ça tient ses promesses. Et, si vous avez envie d'en parler, est-ce qu'il y a des projets où vous vous êtes dit, ah, c'est quand même un peu décevant par rapport à ce qu'on aimerait en avoir, sachant qu'on est d'accord, de toute façon c'est des projets qui sont pour la plupart en développement, donc de toute façon c'est difficile de forcément juger. En fait, pour les projets décevants, c'est pas des déceptions, c'est plutôt qu'on sait pas trop quoi en dire, et j'ai été surpris de les voir en développement alors qu'ils auraient peut-être pu être en concept, simplement parce qu'en fait on avait l'impression qu'ils essayaient de meubler sur du vide. Donc en fait ça veut pas dire qu'ils sont moins bons ou qu'ils sont pas bons, ça veut dire qu'en fait je ne sais pas du tout quoi en penser après la présentation. Ça aurait été en concept, aurait peut-être mieux. Il y a le nouveau justement film de Cartoon Saloon, Julien, qui peut être très bien, très intéressant, donc réalisé par Louise Bagnal, qui est une réalisatrice française. Mais en fait, je ne sais absolument pas quoi en attendre vu ce qu'ils ont montré. On avait l'impression qu'ils ont fait un teaser à l'américaine avec quelques images comme ça. C'était plus d'avoir Cartoon Saloon, c'est-à-dire que voilà. C'était plus que pour le movie, pour Cartoon Movie, d'avoir Cartoon Saloon. Ça fait toujours bien, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis pareil, il y a le film I'm Still Alive de... Non, j'ai oublié le nom. Roberto Saviano. Oui, de Roberto Saviano, où en fait on se demande comment est-ce qu'il va être présenté. On a eu beaucoup d'images de son roman graphique, mais on a eu pratiquement aucune image du film, absolument rien. Donc en fait on a juste l'impression qu'ils ont repompé un petit peu des éléments du roman graphique sans rien apporter du tout, et sans expliquer comment Roberto Saviano, qui ne peut pas sortir de chez lui, va co-réaliser le film non plus. En fait on ne sait pas grand chose au final à la fin. Et tu répètes, je pense que tout le monde sait, mais tu répètes qui est Roberto Saviano. Ah oui, juste. Roberto Saviano qui est donc assigné à résidence chez lui depuis les menaces qu'il a reçues par la mafia italienne après le reportage qu'il avait fait autour de la mafia italienne en 2006, je crois, et qui avait été adapté en film. Et là, d'un coup, ça m'échappe. Gomorra. Voilà, Gomorra. Marie-Pauline, toi, il y a des projets. Alors, on va commencer, parce que Nicolas a commencé avec les déceptions. Donc, on va peut-être commencer avec les déceptions. Est-ce que tu as eu des déceptions Alors, ce n'est pas vraiment une déception, parce que je ne m'en attendais pas grand-chose. Mais il se trouve que, par hasard, j'ai assisté à la présentation d'un film en concept qui s'appelle Cyrano, et qui est réalisé par Guillaume Gallienne. Ah la vache. Voilà. Alors, Merci Pascal pour cette ponctuation. Oui. Non, c'est un peu le projet dont on a fait des gorges chaudes après coup, parce qu'il faut quand même dire que ce projet est budgété à 20 millions d'euros. En moyenne, un film d'animation, quand on les voit au cartoon, ils sont plutôt à 5-6 millions. Ouais, c'est entre 3 et 6. Ouais. Donc là, on est sur du 20 millions, les amis, parce que j'imagine que ça coûte cher, les comédiens du français qui vont faire les voix et qu'il faut payer. Enfin, j'en sais rien. Le projet, donc l'idée, c'est d'adapter Cyrano, évidemment, en animation, puisque ça ne s'est jamais fait. Il n'y avait peut-être pas besoin, mais enfin, ça ne s'est jamais fait. Et surtout, c'est plutôt à destination d'un public, jeune public, bien sûr, puisque c'est de l'animation, si vous avez bien suivi. Et donc, l'idée, c'est de faire des personnages qui sont semi-anthropomorphes. Et donc, on va avoir Cyrano, par exemple, qui est un chat, mais avec un museau de chien. Très, très démesuré, parce qu'évidemment... Bon, Guillaume Gallienne, tout ça, Cyrano, il connaît, mais je crois qu'il n'a pas complètement compris qu'à l'origine, l'idée de Cyrano, c'était justement que c'était un peu dans sa tête, cette histoire de nez, et que c'était pas censé être un truc qu'on représentait, même au théâtre, on le représente pas forcément avec un nez gigantesque, hein, c'est pas l'idée. Mais là, si, il fallait quand même, parce que sinon les enfants, ils vont pas comprendre. Et voilà, donc Christian, le beau Christian, lui, est un chien. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'à part nous avoir dit ça, nous avoir montré des images, je crois, de Michel Villermoz en train d'enregistrer les voix et quelques dessins, et ben on nous a pas dit, par exemple, si ça allait être le texte intégral, parce que c'est intéressant quand même de savoir, moi c'est pour les enfants, comment on fait, on adapte pas, on coupe, j'en sais rien. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais toujours est-il que oui, après dans les allées, je peux vous dire que les producteurs ont beaucoup rigolé sur ce projet. On sait qui fait le graphisme, parce que des fois même ce genre de choses, parce que j'ai regardé tout à l'heure, j'ai juste vu Guillaume Gallienne, mais il n'y a même pas de coréal, souvent on essaie d'avoir un coréal au moins. Alors je mentirais en disant que ça n'a pas été dit, je n'ai pas noté, mais je peux retrouver non, si non, j'arrive juste... à ouvrir. Alors que... non, on a adaptation. TBC, apparemment, dans ce que, donc, dans c'est ce, dans ce que je vois. Voilà, c'est un to be confirmed. Pour l'instant, ils ont juste enregistré les voix avec Laurent Lafitte aussi. D'accord, donc beaucoup d'argent déjà passé dans l'enregistrement des voix avant même que le film puisse être fait ou pas. Si, je dis une bêtise, il y a des auteurs qui sont... mon application était en PLS, là. En graphique auteur, pour le moment, nous avons Gwen Germain, Yann Germain et Valentin Adiba. Ok. Voilà. Et Guillaume Gallienne réalise et adapte en scénario avec les auteurs graphiques. Mais on n'en sait pas plus. Par contre, c'est vrai que dans les très bonnes surprises et les choses qu'on a vraiment adorées, là, on a vu le projet aussi tous les deux, et dans les adaptations de grands classiques français, on a davantage quand même le roman de Renard qui était présenté en concept et le roman de Renard qui sera le nouveau long métrage de Léo Marchand et Anne-Laure Dafis. Donc, il avait fait Les voisins de mes voisins sont mes voisins et qui est produit là aussi par l'Art Dux Film. Et en fait, ils ont la bonne idée de reprendre le roman de Renard en reprenant l'enregistrement de la fin des années 70, des années 70, je crois, de Bourvil. Bourvil avait fait un enregistrement du roman de Renard et ils reprennent le texte, vraiment l'enregistrement de Bourvil, sur lequel ils vont vraiment poser leur personnage. Est-ce qu'on sent qu'ils veulent aller vers quelque chose d'un peu plus... Alors, encore une fois, il n'y a pas de choses méchantes à dire grand public, mais c'est vrai qu'ils avaient du mal à trouver avec Les voisins de mes voisins. C'est des réalisateurs, une réalisatrice, un réalisateur qui ont notamment fait un film qu'on conseille qui s'appelle La Saint-Festin, qui fait partie de ces grands films de court-métrage avec un ogre qui mange des enfants, mais il a perdu ses dents, et qui sont assez complètement fous. Ils font plein de trucs un peu punk, on va les appeler comme ça. Est-ce que là ou non, ils vont garder ce côté non. un peu Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont un peu tombés amoureux de cet enregistrement qui a l'air très chouette. On a entendu un peu des extraits, ça a l'air vraiment très sympa. Et que ils se sont dit que c'était une manière intelligente d'aborder le roman, qui est quand même, c'est super riche le roman de Renard, c'est vrai que c'est très chouette. Et en plus, accessoirement, c'est vrai que ça marche bien pour des enfants, là, pour le coup, même si Les voisins de nos voisins, ça marchait super bien sur les enfants. Hein, vraiment. Et c'est un enregistrement qui doit durer environ 55 minutes, et en fait, avec des petites pauses et des choses comme ça, ils vont le faire durer. Ça va être un film assez court, d'une heure dix. Et assez intéressant. Donc chouette, parce en gardant leur technique. Ouais. Hein, c'est ça, c'est qu'on garde. Anachronisme, on a parlé d'un téléphone portable. Qu'il y avait déjà dans Starévitch. Four à micro-ondes, Dans le roman de Renard, il y avait déjà dans Starévitch, puisqu'il il commente. Non, il n'y a pas le four à micro-ondes, mais il y a l'appareil photo, il prend photo, il fait, mais il n'y a pas encore le micro-ondes en effet. Voilà. Starévitch, j'étais en avance, mais quand même. Mais en effet, non, mais c'est une bonne nouvelle, en tout cas, qui garde justement ce côté. C'est super. Et c'est un projet qui a suscité apparemment de l'intérêt de la part des professionnels et qui est un projet. Pour le coup, pas très cher, parce que c'est à 2,5 millions d'euros. Donc on peut faire 10 films comme ça pour un Cyrano. Voilà. Donc, on espère, ils pensent entrer en production en 2024. C'est ce qui est prévu. Donc, on espère voir ça d'ici 2026. Juste petite chose, c'était quelque chose qui avait marqué. Dans La vie sans truc, qui est l'un de leurs courts-métrages, ils avaient même utilisé une puisque c'était le chauffeur de Lady Di, le fameux chauffeur. Ils avaient utilisé même des images d'archives où on la voit sortir de l'hôtel, etc., sans vraiment chercher à avoir les droits, en se disant on verra bien si ça marche, ça marche pas. Donc c'est le genre de personnages, ils sont plutôt, c'est plutôt agréable dans ce qu'ils peuvent apporter en animation. Quoi d'autre dans les films qu'il faut qu'on attende donc avec dans les films qu'on attend et qui risquent fort qui d'être plus, vraiment qui bien, plus, et qui nous ont plu. Alors, il y a les deux plus attendus, je pense, qui étaient présentés. Linda Veut du Poulet de Sébastien Lodenbach, évidemment. Et Chiara Malta. Bravo. D'autant plus que Sébastien Lodenbach le dit bien, elle a fait au moins autant que lui. C'est une vraie co-réalisation. Dans le film, c'est vraiment une vraie co-réalisation. Donc, Chiara Malta, Sébastien Lodenbach. Et donc, ça, on a vu un quart d'heure, le premier quart d'heure, et ça donne vraiment très, très, très envie, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il reprend un petit peu l'esthétique qu'il avait dans La jeune fille sans main, mais en développant encore un petit peu les choses. Il y aura deux ou trois moments chantés, dont on a vu un qui est vraiment splendide et qui tend encore davantage vers l'abstraction par moment, dans des paysages de nuit, etc. C'est vraiment très très beau. Il garde justement un parler qui est très brut, très il n'amenuise pas les mots. Il y a des insultes, des choses comme ça, des disputes, merci, etc. Juste pour que je dise, par rapport à La jeune fille sans main, c'est plutôt là pour famille, pour enfants, famille. C'est pour ça que c'est un peu exceptionnel. En tout cas, ça change un peu de ce qu'a pu faire Sébastien Dermay et même Chiara Malta, même si Chiara la connaît moins au niveau animation. C'est ça qui change. Le film devrait sortir en octobre, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ça donne très très envie de voir. Je pense que peut-être qu'on en... Si on aime, peut-être même recevoir, même Sébastien est déjà venu, mais recevoir Sébastien et Chiara avec plaisir ici, s'ils ne nous snobent pas parce qu'ils sont à France Inter et dans toutes les autres. Ça arrive des fois avec ces gens qui deviennent des stars. Marie-Pauline, un autre film que toi, qu'on peut attendre et qui t'ont... Je vais enchaîner sur l'autre projet de Sébastien, parce que Sébastien Lodenbach, il était là également avec un projet en développement qui s'appelle Prends garde à toi et qui s'inspire à la fois de l'opéra de Bizet, du livret, hein, signé Meillac et Alévi, et de la nouvelle de Mérimée. Et donc ce qui fait, c'est que c'est pas du tout une adaptation de Carmen, hein, c'est vraiment pas l'idée, c'est de prendre une sorte d'angle comme ça de côté, et donc il raconte l'histoire de deux enfants qui apprennent par quelqu'un qui est un peu voyant que Carmen va être assassinée, et qui donc vont essayer d'empêcher cet assassinat. Voilà, donc l'idée, c'est évidemment de parler de problématiques contemporaines aussi autour des féminicides. On est aussi sur la question de, ben, est-ce qu'on peut déjouer le destin ? Est-ce qu'on peut échapper à son destin ? Et ce qu'on a vu aussi, évidemment, très très beau, avec des teintes très vives, décors vraiment superbes. Et voilà, et, ça se passe évidemment à Séville, on voit la ville comme ça, enfin, le côté terre de contraste et tout, c'était vraiment très joli. Et Sébastien a expliqué que voilà, il recherche, qu'il va rechercher aussi quelque chose de très naturel pour les voix, comme dans Linda veut du poulet. Donc on va partir sur cette idée-là. Il a bien précisé que c'était vraiment pas une adaptation de Carmen. C'était pas le personnage principal. On la verra. Ce sera une sorte de personnage secondaire. Allez, dernière pause musicale, Nicolas, avant juste de te laisser la parole. Mais en plus, tu vas prendre la parole puisque tu nous proposes un titre qui s'appelle Cod Liver Oil and Orange Juice. Le titre est plutôt pas mal. Donc tu nous en parles et après on va revenir pour reparler du cartoon movie. Alors, Cod Liver Juice and... oui, enfin voilà. C'est un morceau de Mesquerem Mess qui avait fait un premier album il y a 2 ans maintenant, qui avait plutôt pas mal fonctionné, qui est une chanteuse belge, mais d'origine éthiopienne, qui est née à Addis Abeba avant d'arriver justement en Belgique, et qui commence là avec un nouveau morceau qui est une adaptation, enfin une adaptation, une reprise, mais une reprise vraiment folk d'un morceau écossais qui avait été très connu en Écosse dans les années 60 et qui avait même été interdit à cause des doubles sens qu'on pouvait avoir dans la chanson et qu'elle reprend avec une voix extraordinaire aussi, je trouve, et un ton assez différent et beaucoup plus folk. Donc voilà, on continue dans les fameuses voix de chanteuse de Nicolas. Nicolas, on écoute donc. Out of the east I came, a hard man, oh, all the way from Brighton, ah, glory, hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Went into a pub and he came out paralytic, VP insider, a mixture, cod liver oil and the orange juice. Does this bus go to Deniston Palace? I'm looking for a lumber. Glory, hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Glory, hallelujah, cod liver oil and the oil. formule de rêve Radio Liberta. Nous parlons donc du cartoon movie. Et donc, on a vu vos projets là que vous aimez. Est-ce qu'il y a des projets Ouais, on va continuer sur des projets qui vous titillent, où vous dites j'ai hâte de le voir. Est-ce qu'il y en a? Mais vraiment là, de manière personnelle. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites vivement que ça sorte? Mars Express, par exemple, ouais. De Jérémy Perrin, donc le réalisateur. Un petit peu attendu grâce à la semaine. Mais oui, donc son film est quand même assez attendu depuis maintenant environ 2-3 ans. De ce qu'on a vu, là aussi, c'était une sneak preview, on a vu un premier quart d'heure qui n'était même pas encore totalement complet, terminé, mais qui devrait l'être bientôt. Il montre toujours un petit peu la même chose, donc voilà, mais à chaque fois avec une progression encore en plus. Et ce qu'on a vu donne envie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir après, mais on peut attendre et espérer avoir un vrai bon film de science-fiction français avec ce qu'on a vu. Quelque chose qui lorgne, même si le réalisateur d'ailleurs s'en défend parce qu'il n'aime pas trop le film du côté de Blade Runner. Mais en tout cas, voir de Total Recall aussi, enfin voilà, toutes ces inspirations-là. Mais donc, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, le film devrait être terminé d'ici peu, vraiment dans les semaines à venir. Et donc, on en attend pas mal. Marie-Pauline, toi, il y a d'autres choses personnelles ou non plus? Un film qui m'a intrigué, un projet qui m'a intrigué. Alors, encore un projet en concept, ça s'appelle My Friend Gad Gadi. De Rafik Omrani, pardon, désolée, c'est cryptique, j'arrive pas à lire. C'est un projet qui m'a assez intriguée parce que c'était pas très très clair de comment ça allait être et de quoi ça allait, comment ça allait être articulé plutôt, mais ça prend racine dans un fait assez horrible qui est que le réalisateur s'est rendu compte au moment des événements en Tunisie, quand il y a eu la révolution en Tunisie, il y a un militant très important qui était aussi poète et dont le nom malheureusement m'échappe parce que je ne l'ai pas noté, mais qui a été assassiné. Et donc ça a eu évidemment un retentissement énorme à ce moment-là en Tunisie, je pense que c'était autour de 2013. Et il s'est rendu compte que l'assassin était un de ses meilleurs amis de fac. Et donc évidemment il y a toute la réflexion de pourquoi lui est devenu un assassin et pourquoi moi je suis devenue plutôt un réalisateur, tout ça. Et donc en fait il voudrait articuler tout ça autour de ces événements qui ont eu lieu en Tunisie, de cette révolution qui a apporté tant d'espoir et qui a été vraiment complètement cassée derrière, et articuler ça avec cette réflexion. Donc on est en concept, donc il n'y a pas de scénario encore, on ne sait pas exactement comment ça va être. Mais en tout cas moi je trouve que c'est un petit peu comme le projet dont je parlais tout à l'heure en concept. Quand les personnes viennent et vous racontent ça, et c'est tellement personnel, ça interpelle, on se dit mais comment mettre ça en film, et il y a vraiment une matière assez riche. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un film, on ne sait pas du tout si ça va pouvoir se faire et comment et à quelle échéance, mais en tout cas oui, moi ça m'a vraiment intriguée. Le temps passe, est-ce qu'il y a un dernier projet que vous aimeriez parler? On laisse Nicolas est prêt, donc non, pas forcément, Marie-Pauline, ou pas forcément. Il y a une curiosité surtout qui est là, c'était le projet Décorado, l'adaptation de Décorado en long métrage d'Alberto Vasquez, qui vient de sortir Unicorn Wars et qui tente à adapter en long métrage tous ses courts métrages. Alors, en sachant que Décorado est peut-être celui qu'on imaginait le moins. Alors, sauf qu'il le disait, puisque donc j'avais présenté la séance au Forum des Images, j'ai dit que justement Décorado, par contre, c'est quelque chose qu'il avait prévu et dans sa tête déjà en long métrage. Et d'ailleurs, il y a déjà ça en idée. Oui, ça je savais pas. Et c'est vrai que quand on voit le court métrage, on se demande comment il va faire pour l'adapter en long, mais on sent qu'il y a bien pensé parce qu'il y a vraiment une file conducteur, une narration qui est vraiment très précise, qui reprend les éléments principaux qu'on voit, les personnages principaux du court-métrage. Ça va être en couleur, plus en noir et blanc comme le court-métrage. La seule chose qui m'inquiète dans le film, parce que je pense que ça pourrait être une réussite, c'est que, je ne sais pas, surtout que j'avais mis les écouteurs et qu'on avait une voix qui traduisait en français de l'autre côté, si c'était une blague ou pas, mais en gros, il y a annoncé que la fin serait probablement plus optimiste que celle de son film et que l'amour allait gagner. Et là, je me suis dit que ça me faisait vraiment peur parce que ce que j'aimais beaucoup, c'est le côté radical de ses précédents films. Donc, ça peut être radical que l'amour gagne chez Alberto Vasquez. Ouais, c'est une radicalité un peu différente. J'ai peur que ça fasse un peu gnangnan, surtout dans un film comme Décorado, qui est vraiment une belle critique un peu nihiliste du monde. Marie-Pauline, dernier ou pas? Oui, dernier projet comme ça, très vite, qui lui est en développement. Ça s'appelle Happy End. Et c'est signé par Marie Amachoukeli et Vladimir Mavounia Kouka, qui avaient fait ce court-métrage qui s'appelait I Want Pluto to be a Planet les Again. Deux, les deux ensemble, à la libre. Exactement. Et il garde, j'ai l'impression, un peu cette esthétique. On est dans un noir et blanc assez expressif. Et en fait, ils sont partis sur un truc très, très cartoon. mais vraiment très cartoon. Donc on va dire ça passe ou ça casse. L'idée, c'est que leur personnage, donc c'est Bertha, qui est une ancienne militaire dépressive et qui décide de se suicider, mais elle n'y arrive pas parce que en fait elle se tire plein de balles dans la tête et ça marche jamais parce que ce jour-là, on ne sait pas pourquoi la mort n'opère plus. Et en fait, nous, on le sait, en tant que spectateur, c'est que la mort, qui est représentée sous la forme d'une espèce de petite mouche un peu ridicule, par un concours de circonstances un peu invraisemblable, évidemment, parce qu'on est dans un cartoon, s'est retrouvée emprisonnée sous un verre. Et donc, elle ne peut plus rien faire. Elle peut plus... Et donc, plus personne ne meurt ce jour-là. Donc, c'est génial parce qu'on est dans une usine horrible d'abattage de volailles comme il y en a tant. Et bien, la volaille, elle est... Et eh ben c'est pareil, le gars il essaye de la tuer, puis il n'y arrive pas, donc la volaille est très contente, et les volailles se révoltent, enfin tout le monde se révolte contre... ça fait un truc assez marrant, et je pense que ça peut être à la fois très très drôle, très potage, très cartoonesque, ou peut-être un peu long sur un format long métrage. Ça c'est la grande question qu'on se pose, évidemment c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais en tout cas moi j'aimais bien l'idée là, des animaux de basse-cour qui sont en révolte et qui vont inonder donc, cette petite ville de province sous des tonnes de fientes. Décidément, après la mouche destin de J'ai perdu mon corps, la mouche mort, on va savoir, peut-être que les gens de l'animation vont nous faire des mouches comme ça et vont le faire. On va quasiment terminer, on va vous parler, Nicolas Tis va vous dire un petit mot sur les sélections Zagreb et Annecy. J'ai dit Nicolas parce que je pense que Marie-Pauline ne va pas forcément dire, elle y travaille, donc je ne sais pas si elle voudra dire, mais, bon, mais elle ne peut pas Zagreb, elle peut dire. Moi, je peux dire des coups de cœur qui sont Annecy. Alors, on va dire ça juste après. La vie change, il y a des choses qui sont étonnantes. Pascal veut nous dire quelque chose. Même après. Après. Pascal, je dirai quelque chose. Je ferai un petit truc après. Ouais, je voulais dire que je voulais juste vous parler un peu du FICAM et je voulais juste vous dire. En fait, parler du FICAM, c'est un peu compliqué et sans parler de moi et que les choses changent. Et en fait, le FICAM, c'est un vrai. Je voulais faire un truc en FISE. Je voulais faire une lettre d'amour, mais je sais pas comment faire une lettre d'amour. Donc, c'est un peu compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui correspondait vraiment bien au FICAM, qui est convivialité. Et j'ai regardé la définition. La définition, c'est capacité d'une société à favoriser la tolérance et les échanges réciproques des personnes et des groupes qui la composent. C'est de Larousse qui dit ça, c'est pas moi. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui a été très fort pour moi. C'est au-delà du nombre d'invités, au-delà du nombre des cinéastes, des animateurs, des animatrices, c'est en fait à chaque fois découvrir des gens différents. Et comme si on avait un microcosme qui permettait de rencontrer ces gens-là, de parler avec ces gens-là. J'ai rencontré des gens comme Abdel Bruxelles, qui est un auteur de BD que je connaissais pas et qui était voilà qui a fait une BD sur Matisse et qui a été absolument, c'était des belles rencontres. La co-réalisatrice du Petit Nicolas, Amandine Fredon. C'est un lieu où on a cette possibilité de rencontrer du monde. Et je pense qu'il n'y a pas autant, il y a pas tant de festivals que ça dans le monde. On a des beaux festivals, mais il y a peu de festivals comme ça. Donc venez au FICAM. Je voudrais dire bravo et merci au directeur et directrice de l'Institut français de Meknès. Pas tous et toutes, mais en tout cas une partie. Bravo à Aïcha, Monsieur De Vico, Widad, Shraibi, qui sont, je prononce mal, je suis désolé, mais en tout cas, qui, moi je trouve ça incroyable qu'une une marque comme ça, qui fait plutôt de l'huile d'olive, c'est une marque très connue là-bas pour la confiture, et ils sponsorisent deux choses, ils sponsorisent le FICAM et le rallye des gazelles, qui a réalisé un rallye donc uniquement avec des femmes. Je suis pas rallye, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir bien avant... Voilà, d'un seul coup de prendre ça. Donc, moi, c'est un festival que je trouve absolument touchant. Toute l'équipe est vraiment. Enfin, voilà, c'est très fort. On change et je pense que je deviens sentimental. Et ce qui fait que peut-être que les films, je suis content de les voir, mais c'est pas là forcément la chose qui m'intéresse le plus maintenant. Et je trouve que d'aller dans un festival et de voir des gens et de cette convivialité, il y a quelque chose qui, moi, me bouleverse chaque année de revoir les mêmes gens, de revoir des amis. Qui on parle pas forcément pendant même des fois l'année ou des choses, mais en tout cas de les retrouver, il y a quelque chose qui est très fort et je voudrais dire bravo et je voudrais le remercier parce qu'il a, il a pas voulu que je le fasse pendant le festival, donc je profite d'avoir une émission de radio pour le faire. Je voudrais dire bravo à Mohamed Beyoud qui est le directeur artistique du festival, qui se bat, qui moi me fait confiance depuis des années, qui m'a aidé à être là où j'en suis aussi. Donc je voudrais, puisqu'il a pas voulu que je le fasse pendant le FICAM, je le fais aujourd'hui à l'antenne. Et on change et je pensais jamais vous proposer un morceau de Taylor Swift à la radio, mais donc il y en avait deux, j'ai hésité longtemps. On va écouter Paris puisqu'on est à Paris, Nicolas, et on revient après pour le dernier mot sur les sélections. Donc Taylor Swift qui a sorti son dernier album Midnight, que je trouve assez merveilleux, j'avoue, alors que j'étais pas forcément fan avant. On écoute. Oui, pardon, je pense. Met someone at a club and he kissed her. Turns out it was that guy you hooked up with ages ago, some wannabe Z-lister. And all the outfits were terrible. 2003, unbearable. Did you see the photos? No, I didn't, but thanks though. I'm so in love that I might stop breathing. Drew a map on your bedroom ceiling. No, I didn't see the news, cause we were somewhere else. Stumbled down pretend alleyways, cheap wine, make believe it's champagne. I was taken by the view, like we were in Paris, like we were somewhere else, like we were in Paris. Oh, we were somewhere else. Privacy sign on the door and on my page and on the whole world. Romance is not that if you keep it just yours. Levitate above all the messes made. Sit quiet by my side in the shade. And not the kind that's thrown, I mean the kind under where a tree has grown. I'm so in love that I might stop breathing. Drew a map on your bedroom ceiling. No, I didn't see the news, cause we were somewhere else. Stumbled down pretend alleyways, cheap wine, make believe it's champagne. I was taken by the view, like we were in Paris, like we were somewhere. Donc, bulle de rêve, pour terminer, donc les cinq petites dernières minutes, si jamais je te le dis de suite comme ça, Nicolas, on finira le générique et le sublime Ryuichi Sakamoto et son superbe dernier album, et on en reparlera peut-être... Quand il sera mort. Merci, Pascal, on espère quand il sera toujours vivant, justement. Est-ce que, pour finir, je ne sais pas, donc, pour les gens, Annecy Zagreb, il y a des films qu'il faut aller voir. Ce qui est assez intéressant aussi avec Annecy Zagreb, c'est qu'on en parle beaucoup, et c'est quelque chose dont Stéphane parlait tout à l'heure aussi, et notamment à Annecy, parce qu'en fait, à Zagreb, ils n'ont pas donné la durée des films. D'accord. C'est que la durée des films s'allonge. Et en fait, on a cette année à Annecy 13 films qui font plus de 13-14 minutes, ce qui est quand même énorme pour du court-métrage. Et donc, il n'y a que, je crois, 38 films en compétition. Ça descend d'année en année, voilà. C'était 45 encore voilà. Il y a deux ans. Ce qui fait qu'il y a quand même peut-être une bonne chose, parce que finalement, le nombre de films augmente. Et en fait, il y a très peu de films, je trouve, qui se rencontrent entre Zagreb et Annecy. C'est-à-dire qu'il y a des films attendus à Zagreb qui ne sont pas à Annecy. Il y a des films, par contre, qui étaient l'année dernière à Annecy, qui se retrouvent à Zagreb uniquement maintenant, ce qui est un petit peu dommage aussi. Et il y a des films très attendus au festival d'Annecy, et donc finalement les deux sans avoir de copie l'un sur l'autre. Juste qui voilà. Est sûrement dû au. On va rester très. À la personnalité. Aussi aux personnalités. Ouais, et aussi malheureusement quand tu dis aux producteurs, aux productrices qui envoient d'abord à Annecy avant Zagreb et donc qui attendent un an. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon. C'est un peu dommage. On en parlera à un autre moment. Pour Zagreb, il n'y a pas. Enfin, qu'on a à Zagreb, pas Annecy, Our Pain de Shunzaku Hayashi. Qui a l'air vraiment magnifique. On avait aussi le nouveau film de Sacha Zvirsky, qui sera présenté à Zagreb et qui donne bien envie après la claque qu'avait mis Sacha Zvirsky à Annecy justement il y a 2 ou 3 ans, ou Spring de Pernicker. Et en plus, il y a, et je crois qu'il y aura une exposition en plus de Léa Vudakovic avec son nouveau film. Donc voilà, parmi les films très attendus du festival. Et on aura un réalisateur d'Afrique du Sud qui vient pour avoir appris une exposition. Et en fait, j'ai voulu faire le malin en disant ça et d'un seul coup, j'oublie le nom. William Kentridge. Merci beaucoup. Et William Kentridge qui sera là aussi. Annecy, Marie-Pauline peut-être déjà. Et après, si Nicolas, tu veux rajouter. Oui, alors moi, je vais parler de films qui ne sont pas dans la compétition, mais déjà, je voulais signaler qu'il y avait le nouveau film de Sigrid Fuhoff en Off Limits. Ça s'appelle Cave Painting. Ça fait sa première à Rotterdam et je suis trop excitée à l'idée de le voir sur grand écran. Il y a aussi un film que j'aime beaucoup, qui est un film d'animation expérimentale portugais, qui s'appelle Motus de Nelson Fernandez, qui est très très beau. Et enfin, dans la section perspective, j'étais très très contente de retrouver un film que j'aime aussi énormément, qui s'appelle Lac Baïkal de Alice Tellengut. C'est un film, c'est splendide, c'est vraiment visuellement, c'est absolument magnifique. Et un autre film qu'on avait montré quand même il y a des mois au PIAF et qui arrive quand même maintenant à Annecy. Non, je plaisante, mais c'est vrai que le film était un de mes coups de cœur du PIAF de cette année. Ça s'appelle How I Remember to Ride a White Horse et c'est un film croate donc qui est co-signé par Ivana Volda Bosniak et Thomas Volda Johnson. Pardon pour la prononciation. Tout à fait. Un dernier mot. Alors un dernier, justement, ouais. Par rapport, on parlait d'Afrique du Sud. Alors là, dans les deux festivals, on aura Boxcutters de Naomi Van Niekerk, qui vient d'Afrique du Sud. Mais dans les films qui seront à Annecy attendus et qui ne sont pas non plus à Zagreb cette année, on va voir le nouveau Franck Dion, le nouveau film de Noémie Marsili également, et le nouveau film de Skirmanta Jakaïté en particulier, ainsi que le nouveau film qui va bientôt devenir un long métrage, il fait 26 minutes, de Daria Kacheva. Donc voilà, donc quelques films très attendus dans ces deux festivals. Et puis là, un petit coup de cœur aussi, L'ombre des papillons de Sophie Alcaré, dont on a souvent parlé, elle est venue ici, mais qui aussi est Annecy. Allez, un dernier mot, Pascal, tu voulais nous dire à Brive, que oui. Brive, enfin, passait un peu d'animation. Oui, parce que même hors compétition, ils en ont très peu passé, mais là, cette année, ils ont pour la première fois en 20 ans un film d'animation en compétition, qui est The Limits of Vision de Laura Harrison, donc moi je connais pas bien. Réalisatrice complètement punk et complètement barrée. Les images que j'ai vues sont déjà prometteuses. Donc voilà, c'est bien que pour la 20e édition, il y ait un film en compétition d'animation. Et aussi, pour les 20 ans, il faut une catégorie spéciale 20 ans, 20 films, de films de moyen-métrage qui n'ont jamais été présentés à Brive, même en patrimoine. Et il y aura notamment The Rime of the Ancient Mariner, donc d'après Coleridge, de Lawrence Jordan, un film qui date de 1977, pareil, que je ne connais pas. Alors, il y a plusieurs films de cette section qui seront présentés en pellicule, je crois que celui-là aussi, mais j'ai un doute. Il y a au moins 2 films anglais qui seront présentant en pellicule, et moi je trouve ça bien qu'il y ait ces films là. Il fait 42 minutes, donc j'espère que ça peut intéresser aussi ces spectateurs là qui ne voient que de la fiction. Pendant longtemps, c'était que de la fiction française, donc là c'est un peu plus ouvert depuis quelques années. Donc, j'espère que... Merci beaucoup, Pascal. Pardon, mais là, et donc on vous propose évidemment, on vous dit bien, allez voir Le Petit Hérisson dans la Brume et autres merveilles. Tu vois, Raphaël, je l'ai dit, même si t'écoutes pas, qui sort le 5 avril. On vous demande, et vous pouvez réécouter l'émission si vous ne l'avez pas, pour entendre nos jeunes critiques en herbe, nous parler de ça. Et donc, on écoute sur le dernier album de Ryuichi Sakamoto. C'est le dernier morceau, qui est le morceau en chiffre 2022. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Nicolas, et merci à toute l'équipe. À bientôt.